Bonjour à vous. Déplacé. Ouais. C'est parti. Daniel, t'as des arrangements quoi trop? Bon, on va écouter avec du grand manjou. Bon, on fait la chute. Fait que c'est parti, François. Ok, nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur, nous sommes réunis ensemble, c'est parce que nous avons un désir profond de connaître ta parole, connaître ton Fils, qui est la parole de Dieu, et connaître notre Dieu, notre Père. Et nous sommes conscients que si on se coupe devant toi, c'est parce que nous savons que nous avons besoin de toi pour la comprendre. Tu ne l'as pas juste révélé, mais tu dois aussi nous illuminer pour qu'on la saisisse. Puisses-tu guider cette réunion et qu'on puisse partir d'ici avec un désir renouvelé de toujours aller plus loin dans la compréhension de ta volonté. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Donc, comme Patrick l'a bien dit ce matin, la raison que qu'on a décidé de faire ce petit cours-là, c'est parce que quelques-uns m'avaient demandé de faire un cours d'herméneutique. Herméneutique, ça vient du grec Hermès, herméneutique. Hermès, c'était le dieu de la parole, de la prédication, de la josette. Et donc, c'est l'herméneutique, c'est les règles que tout le monde utilise, chrétien ou pas chrétien, pour comprendre les vieux volumes, les vieux livres dans l'histoire. On fait de l'herméneutique. C'est pas une science chrétienne, c'est une science bien ordinaire, comme tout le monde l'utilise. Si je prends le gars au bord qui prendra un livre écrit par Napoléon, bien, il va suivre des règles d'herméneutique pour arriver à comprendre ce que le livre veut dire. Donc, quand ils m'ont demandé si on pouvait faire un petit cours de même, j'ai dit, bien sûr, ça me ferait plaisir. Mais j'ai dit, avant, on devait faire un cours comment lire la Bible. Avant de l'étudier, il faut savoir comment la lire. Puis, cette semaine, quand j'étudiais avec Don Carson, il a commencé son premier point dans son cours d'herméneutique qui dit si vous voulez comprendre la Bible, c'est premièrement lire la Bible. On ne peut pas passer par-dessus. C'est un investissement de temps dans la lecture de la Bible. Puis, si vous êtes un lecteur naturel, si vous lisez des livres, bien, il y a certaines choses que vous faites. C'est pas si vous êtes comme moi. Moi, quand je lis un livre, habituellement, je prends le temps d'aller voir qui l'auteur est un petit peu. Ça me donne une meilleure compréhension, même si ce sera un roman, ça me donne une meilleure compréhension de ce qu'il va écrire, comment il va l'écrire, pourquoi il l'écrit, tout ça. Donc, il y a des règles de base. Si mon père sortirait de sa tombe, puis je lui dirais, j'ai surfé sur le web toute la journée, il me regarderait, savoir si c'est pas moi qui n'étais pas mort, puis je ne suis pas sorti d'un trou quelque part. Il comprendrait absolument rien de ce que je dirais. Pourquoi? C'est pas sa génération, c'est pas sa méthode. La Bible, c'est un peu comme ça. Qu'on veut, qu'on ne veut pas. C'est pour ça que quelqu'un qui dit ne mets pas une vieille pièce après un manteau. On ne met pas une vieille pièce de linge après un manteau neuf, nous, on dit, c'est quoi l'affaire? Il n'y a quasiment plus personne qui fait du rapiécage aujourd'hui de vêtements. Puis ce qu'on le fait, c'est tout du synthétique en grande partie. Donc, il dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Pourquoi? C'était quoi un outre dans ce temps-là? On ne sait pas. Nous, moi, quand j'achète du vin, c'est dans des bouteilles de vitre. Tu ne connais pas ça plus que ça. La plupart d'entre nous ne connaissent pas ça plus que ça. Donc, on a de la misère à comprendre un langage qui est vieux de 2000 ans. Ça ne veut pas dire qu'on lit pas la Bible. Non, on la lit pareil. Il y a des choses qu'on va manquer, qu'on va pas prendre à cause du manque qu'on a de leur compréhension de ce temps-là. Donc, c'est des règles pour comprendre les anciens styles d'écriture. Oui. Pour comprendre ce qu'un autre a écrit dans un autre temps, une autre histoire, une autre géographie, une autre société, une autre société politique différente. Comme nous, quand on parle de roi, là, on a bien la misère à savoir c'est quoi un roi. Parce que nous autres, les rois, là, on ne le sait pas. Puis nos gouvernements, qui sont des autorités, on fait ce qu'on veut avec. On lui fait des grimaces, puis quand on n'est pas content, on fait un petit papier, puis on les enlève dedans, on en met un autre. Ça se faisait pas avec un roi, ça. On a de la misère quand on dit Jésus, c'est mon roi. Ça veut dire quoi vraiment pour moi, ça? On sait que c'est quelqu'un qui est assis sur un trône, là. Mais c'est quoi, ça? Quel droit qu'il y a? Et donc, c'est des choses qu'il nous faut, des fois, faire des petits efforts pour essayer de comprendre. Dans dans l'introduction sur la feuille que vous avez, c'est pas nouveau, les pasteurs, en général, se morfondent pour essayer d'encourager les chrétiens à lire la Bible. Et peu importe qu'est-ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils disent, ils ne la lisent pas. Ou à peu près pas. On dit qu'en Amérique du Nord, les chrétiens, en règle générale, vont lire la Bible 3 à 5 minutes par jour, en moyenne. Puis pas toujours de la bonne façon. Fait qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et puis souvent, quand ils le font, 5, 10, 15 minutes, ils le font par sentiment de devoir, que s'ils ne font pas, ils sont coupables. Puis le pasteur a prêché là-dessus, puis ils vont lui demander qui a lu la Bible, puis on ne l'a pas lu, puis ils ont de la misère un petit peu à comprendre. Et il y avait une madame qui a une fois dit, moi, elle dit, je lis ma Bible, je comprends pas, puis toi, quand tu la pêches, je la comprends. Donc, je vais t'écouter à la place de lire ma Bible. Elle n'a pas complètement tort. J'avais déjà dit une fois dans une église anglaise, ils n'ont pas aimé ça. Dieu a donné à l'église des enseignants et non pas des Bibles. C'est nouveau que les chrétiens ont des Bibles, ça fait ça? C'est nouveau que vous ayez des Bibles dans votre main. Nous, on en a, mais là, 200 ans, les chrétiens n'avaient aucune Bible. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les chrétiens? Hein? Ça, il y allait voir des gars qui connaissaient la Bible, des vieux chrétiens. C'est comme ça qu'ils apprenaient. Puis la première génération de chrétiens, du temps que l'Église a grandi le plus vite dans l'histoire de l'Église, c'est la première génération, puis il n'y avait pas de Bible. Ils ont juste eu des lettres. Il n'y avait même pas tout le Nouveau Testament. Il y avait des lettres qui allaient dans les églises, ça se promenait. Ils faisaient des copies, puis l'envoyaient à l'autre église, l'envoyaient à l'autre église. Mais pourtant, l'Église a grandi comme à une vitesse épouvantable. Donc, c'est que ça, ils ne lisaient pas le Bible à tous les jours. Il n'y en avait pas de Bible chez eux. Ils ne pouvaient pas le faire. T'as-tu parti de ton ordi pour t'enregistrer? Non, on va prendre celle-là. Donc, M. Parker s'était dit, connaître Dieu, ceux qui ont déjà lu le livre, que la plupart des croyants cessent lentement de lire la Bible parce qu'ils ne sont pas capables de la comprendre, de l'appliquer à leur vie du 20e siècle. Ils aimeraient que Dieu agisse envers eux comme avec Moïse ou David, ou qu'il vienne leur parler comme aux prophètes. J'ai entendu dire que plusieurs, qu'ils ont été chanceux, les croyants, qui ont vu Jésus de leur vivant. Donc les chrétiens, avaient déjà dit ça ou entendu dire ça? Ils sont chanceux, il y avait Jésus, eux autres, à leur côté d'eux autres. Mais pourtant, ceux qui étaient là au côté de Jésus ont moins reçu que nous on a reçu, parce que nous on a toute la révélation. Mais au temps de Jésus, ils n'avaient même pas tout. Ils n'ont jamais lu l'Apocalypse. Pierre n'a jamais lu l'Apocalypse. Paul non plus, probablement pas. Quasiment aucun des apôtres. Jean était le dernier à vivre, celui qui l'a écrit dans les années 95-96, tout le monde est mort des apôtres. Fait qu'ils n'ont jamais lu ça. Nous, on l'a lu. On l'a chez nous. Donc, il y a des chrétiens qui disent, ils pensent qu'ils sont privilégiés, mais pourquoi est-ce qu'ils pensent qu'ils sont privilégiés? Ils disent, nous voudrions que cela soit produit dans nos églises, mais cela n'arrive pas, et on se demande pourquoi. N'étant pas capables, nous cessons de la lire. Comment pouvons-nous lire la Bible et en tirer ce que Dieu voulait qu'on en tire? Ce que nous allons voir ensemble dans les leçons qui vont suivre. Donc, la plupart des chrétiens vont arrêter de lire la Bible en dedans de 3 ans de leur vie chrétienne. La plupart des chrétiens liront jamais toute la Bible une fois dans leur vie. Toute la Bible, je parle. Ils vont lire le Nouveau Testament, mais jamais toute la Bible. J'ai fait souvent des petits sondages. La plupart des chrétiens ont lu des fois l'Ancien Testament une fois, puis ils ont trouvé ça très ardu, très compliqué, puis ils vont jamais le relire après ça. Ils trouvent ça trop dur à comprendre. Ils ne saisissent pas, quoi. Ils ont bien la misère avec le fait que, mettons, David est pris, puis il dit, Seigneur, tue tous mes voisins. Ouais. Ils ont bien la misère à comprendre que ça veut dire quoi, pourquoi que les autres ne peuvent pas prier ça. pourquoi je ne peux pas prier que mon voisin qui tire sa roche chez nous, il me fallait donc mourir, Seigneur. Il faisait la roche, son petit chien. Tu sais, David, là, il faisait, pourtant, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que David priait comme ça? Puis nous, on ne fera jamais ça. Là. On dit, voyons donc, Seigneur, il ne permet pas ça. Mais pourtant, David l'a fait. À plusieurs reprises. Seigneur, coupe Dieu la tête, tous mes ennemis, il fallait mourir. Donc, si on ne comprend pas pourquoi est-ce que David dit ça, puis que Dieu est d'accord, puis pourquoi nous, on ne peut pas le dire, si on dirait que Dieu ne serait pas d'accord. Donc, Il y a des choses qu'il faut comprendre là, quand on fait ça. Donc, une fois j'étais à l'Annonciation, l'Annonciation, puis je dis, on a fait une étude sur le livre des Proverbes. J'ai dit, les proverbes, un proverbe, c'est habituellement vrai. Oh mon ami, il se lève. La Bible est toujours vraie. La Bible est toujours vraie. Les proverbes, c'est toujours vrai. J'ai dit, ah non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit que la Bible n'était pas toujours vraie. J'ai dit, un proverbe, c'est habituellement vrai. De par son style littéraire, un proverbe, c'est pas quelque chose qui est toujours vrai. Mettons, on dit que le juste ne mendiera pas son pain. Ça, c'est pour le bain qui passe son ouragan, puis les chrétiens fassent la ligne aussi pour avoir de la nourriture le lendemain matin. Règle générale, quelqu'un qui travaille ne mendie pas son pain. Règle générale, c'est un proverbe. C'est ça quoi? Le mot proverbe, prends un dictionnaire français, tu cherches le mot proverbe, c'est quelque chose qui est habituellement vrai. C'est pas quelque chose qui est toujours vrai. C'est habituellement vrai. Si tu manges bien, tu vas être en meilleure santé que celui qui ne mange pas bien. Mais ça se peut bien que tu aies un cancer pareil, même si tu mangerais bien. OK? Donc, c'est pas une vérité comme si je me repens et je crois, je vais être sauvé. Ça, c'est une vérité pour tout le monde, partout. Mais si tu instruis ton enfant dans la voie qu'il doit suivre, il ne s'en détournera pas quand il va être vieux. C'est pas toujours vrai. OK? Mais il y a bien des chrétiens qui sont déprimés à cause de ça. Parce qu'ils voyaient leurs enfants partir tout croche, puis ils n'avaient plus comme promesse que Proverbe 22 qui disait si un enfant, tu l'instruis, il ne va pas s'en détourner. C'est pas ça que ça veut dire. C'est une règle généralement vraie. Les enfants ont tendance à reproduire ce que les parents font. Tendance, normal, c'est ça un proverbe. Fait qu'il faut comprendre tous ces styles-là, il faut comprendre toutes ces choses-là pour que la Bible devienne de plus en plus intéressante à lire pour nous autres. Fait que les chrétiens ayant de la misère à faire ces différentes choses-là, mais finalement, ils diminuent de lire en général comme ça. Une fois, j'avais parlé avec une femme qui était, son père était missionnaire, puis son père avait traduit la Bible dans une autre langue, mais vraiment. Puis je l'avais rencontrée, elle avait entre 25 et 30 ans. Puis, elle allait plus à l'église quand je l'ai rencontrée, elle faisait plus rien. Elle a dit, écoute, les histoires, je les connais toutes par cœur. Et vous, elle connaissait toutes les histoires par cœur du Nouveau Testament, mais elle voulait plus lire la Bible. Ça ne disait rien à elle, ça ne faisait rien à elle. Ça ne touchait pas à elle. Pourquoi lire même? On lit pas le même roman 25 fois, voyons. À moins que si nous étions bien bons, peut-être le lire 2-3 fois, là, mais pas 25 fois. Elle dit, oui, on dit, je connais tout par cœur les histoires. Des fois, je parle avec un chrétien, je l'ai lu, voyons donc, on lit ça 2 fois. J'ai tout lu, ma Bible. Puis, je l'ai plus à lire, c'est fini. On va dire, pas fin, mais je suis pas fou, là, pour pas lire le même livre tout le temps, tu sais. Puis dites-le à un inconverti que vous lisez le même livre depuis 30 ans. Ils vont vous regarder avec un peu un étrange look dans les yeux. Il n'a pas fait un film, le gars, ça. Idiot de comprendre. C'est pas comprendre. Vous remarquerez les inconvertis, quand ils lisent la Bible, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? C'est pas comprenable. C'est la guerre. C'est plein de paraboles, on ne comprend rien. C'est dur à comprendre. Ils ont essayé, puis on n'a pas été capable de comprendre, puis ils ont mis ça de côté. Mais on a un exemple dans la Bible. Vous vous souvenez d'un exemple dans la Bible? Quelqu'un qui lisait la Bible, puis qui a demandé à quelqu'un. L'eunuque. Il disait à Philippe, quoi? Comment tu veux que je comprenne si personne m'explique? Il lisait la Bible, lui, hein? Il disait le prophète Isaïe. Il comprenait pas. Parce que c'était probablement en dehors de sa culture. Lui, il venait de l'Afrique. Un Éthiopien, il venait de l'Afrique. Il s'était converti au judaïsme, mais il avait de la misère à comprendre un paquet d'affaires, hein? Un paquet d'affaires. Et ça, c'est un exemple. L'eunuque. Il était quoi? Ministre de la reine de Gardas? Tu lis ça, tu te dis, c'est quoi ça, un eunuque? C'est quoi cette affaire-là? On comprend pas, là. C'est pas dans notre culture. N'importe qui, au premier siècle, qui recevait les actes des apôtres, puis qui lisait ça, comprenais-tu? C'était qui, ça? C'était genre la personne que c'était. Ils savaient tout ça, tu sais quoi. Nous, on dit, faut sortir de notre dictionnaire. On comprend pas. C'est pas notre culture. Donc, si on n'est pas prêt à faire ces efforts-là, on va probablement fermer notre Bible tranquillement et la mettre sur les tablettes. Et moi, si vous prenez cette décision-là aujourd'hui, si vous prenez cette décision-là dans votre vie, disiez, moi, je lis plus la Bible, je vous ferai jamais un reproche. Je l'ai déjà fait à des chrétiens des reproches là-dessus, je n'en fais plus jamais. Je ferai jamais ça. C'est pas un absolu de lire la Bible. C'est un absolu d'apprendre à connaître Dieu. C'est pas un absolu de lire la Bible. Je peux l'apprendre à le connaître autrement. Par des chrétiens, par une cassette, par un sermon, par un livre que je vais lire, ou je peux, un frère qui va me parler, je peux apprendre à connaître Dieu comme ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est nouveau qu'on ait toutes des Bibles chez nous. On n'avait pas avant. Fait que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne faisaient pas de péché le premier temps, ils n'avaient pas de Bible. Puis il y a 95% des chrétiens, pendant les premiers 15 ans, les premiers 15 siècles, ne savaient pas lire. C'était très rare les gens dans les églises qui savaient lire au début. Donc, comment est-ce qu'il faut que tu ne pas prêcher? Lisez votre Bible, là, tous les jours, là. Je ne sais pas lire, puis je n'ai pas de Bible. En plus, si j'en ai une, je ne serais même pas capable de la lire. Fait que, il faut attention de ne pas mettre un fardeau chez les gens pour rien. Mais, si tu me dirais, je ne lis pas, j'ai de la misère, mais j'ai un grand désir de connaître Dieu. C'est ça qui est important. J'ai un désir de connaître Dieu. La méthode que je vais prendre pour le connaître, ça va être personnel à chacun de nous souvent. Le fait que vous êtes ici, bon là, vous me dites, François, j'aimerais mieux comprendre ma Bible. Bon, je vous prends pour acquis, si vous êtes ça, c'est parce que vous la lisez. Vous n'avez une chez vous, vous la lisez. Sans ça, ça ne donne rien d'ici. Donc, ça ne donne rien de là. Puis, je ne vous fais pas de proche à personne qui ne sera pas là, parce qu'ils peuvent prendre d'autres méthodes. Moi, j'ai connu des hommes qui n'ont jamais lu la Bible, qui ne savent pas lire, mais ils avaient une connaissance de Dieu qui nous fera peur des fois. Ils avaient appris autrement, d'autre façon. Moi, j'ai remarqué que les chrétiens, régional, ce que j'ai remarqué depuis que je suis pasteur, 80 à 90% de ce que les chrétiens connaissent, ils l'ont appris d'un autre chrétien. Ils n'ont jamais appris tout seul dans la Bible. Ils l'ont appris d'un autre chrétien. Des parents, un frère, une sœur, quelqu'un qui les a parlé, quelqu'un qui les a jasé avec eux autres, quelqu'un qui sont allés voir, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça, François, qu'est-ce que Dieu enseigne là-dessus? Tu leur dis, ils s'en souviennent, ils l'ont appris, c'est tout. Donc, c'est, faut pas vous fassiez un fardeau, puis faut pas vous sentir coupable si vous faites pas ça, de lecture de la Bible tout le temps comme ça. Vous devez vous sentir coupable, avoir un fardeau si vous n'êtes pas intéressé à connaître Dieu. Ça, vous devrez avoir un problème, là. Mais la lire, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de lire et de comprendre. Dans ce sens-là. OK. Là, aujourd'hui, on parlera pas du Saint-Esprit comme tel. Tout le monde sait qu'on a le Saint-Esprit pour comprendre. Mais là, on parle de notre rôle à nous. OK? On parle de notre rôle à nous. Une des choses qui fait, dans notre premier point, c'est une des choses qui fait que les chrétiens ont de la misère à lire la Bible ou à la comprendre, ils vont la lire avec des idées préconçues ou avec des idées fausses. Même ce que Dieu veut que je fasse, ouvre la Bible. Un peu comme une boule de cristal. Ou un horoscope. La Bible, elle ne s'adresse pas à moi pour me révéler mon avenir à moi personnellement. La Bible révèle la volonté de Dieu par rapport au peuple de Dieu, par rapport à l'ensemble du peuple de Dieu. Dieu ne parle pas à François par rapport à ce qui va m'arriver, mais quand je meurs. Il dit à tout le peuple de Dieu qu'est-ce qui va arriver quand le peuple de Dieu va mourir. Il n'y a pas de révélation privée. C'est une révélation pour le peuple de Dieu, comme dans son ensemble. Si on veut comprendre la Bible, il faut d'abord la lire avec le même but que l'auteur l'a écrit. Pourquoi est-ce que l'auteur a écrit ce livre-là? Pourquoi il l'a écrit? Il y avait une raison. Et si je ne sais pas pourquoi il l'a écrit, si moi je veux connaître, si j'écris une biographie sur ma femme, et toi tu lis ce livre-là, puis ton but c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Victoriaville, bien tu n'auras peut-être pas la réponse. Ça parle pas de ça. Ça va parler de Victoriaville de temps en temps, parce que ma femme est élevée là, mais c'est pas ça que le but. Le but, c'est pas parler de Victoriaville, c'est parler de ma femme qui a vécu là. La Bible a été écrite avec une idée bien précise. Qui sait pourquoi la Genèse a été écrite? La Genèse? Non. Pourquoi ça a été écrit, la Genèse? Pourquoi Dieu a décidé de vous, à un moment donné, de demander à Moïse d'écrire la Genèse? C'est pour qu'on se souvienne des choses qui avaient été annoncées. Qu'on sache que c'est nous servir d'exemple. Ça parle beaucoup du péché, comment il est rentré dans le monde. Oui, mais pourquoi Dieu le fait ça? Y aurait-il un autre? On aurait toutes sortes de réponses. Ouais, mais la raison, c'est que le peuple d'Israël a été 400 ans en esclavage dans le pays d'Égypte. Ils ne connaissaient plus leur origine. Ils ne savaient plus d'où est-ce qu'ils venaient, d'où est-ce qu'ils venaient en tant que peuple. Les autres se voyaient comme des esclaves. Dieu a appelé Moïse, dit, voici, je vais vous dire d'où est-ce que vous venez. C'est pour ça que le livre de la Genèse, ça veut dire origine, les origines, les commencements. Dieu dit, voici de ce que vous venez. Puis là, il leur donne leur histoire. c'est moi qui vous ai créé. Puis là, il parle de Maïe, d'Abraham, il dit 38-7. Pourquoi moi j'ai le droit de vous dire quoi faire? Pourquoi moi j'ai le droit de vous dire d'où est-ce qu'on s'en va? C'est moi qui vous fais sortir du pays d'Égypte? Pourquoi je vous amène dans le pays de Canaan? Parce que c'est moi qui vous ai créé. C'est pour ça qu'il y a le but. Le but, c'était pas juste de lancer les airs, là. On va leur dire d'où est-ce qu'ils deviennent, les êtres humains, là. Non, il y avait une raison bien fondamentale. Pourquoi le faire à ce moment-là? 400 ans d'esclaves, ils ont perdu leur identité, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Moïse s'en vient pour leur parler d'un Dieu, c'est qui? Il dit, quoi est-ce qu'il dit? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il va leur dire, je suis le Dieu qui a parlé aux autres en arrière, là. Fait que j'ai le droit, là, moi, je suis votre créateur. Donc, il a fallu écrire le livre de la Genèse pour dire au peuple d'Israël aussi d'où est-ce que vous venez. Puis de là, on part pour s'en aller de l'avant. Donc, il y avait une raison. Mais moi, si je lis la Genèse pour savoir comment le monde a commencé, ça va peut-être avoir des problèmes, là. Je vais trouver que 3 chapitres, le but du monde, c'est pas long. C'est ça que je cherche, là. C'est pas long, 3 chapitres. Là, mais ça, mais on pourrait lire un livre de 300 pages sur comment le monde a commencé. Mais ça, ça a l'air de la lune. C'est beaucoup d'informations. 3 petits chapitres. Le but, c'est pas de leur dire d'où est-ce qu'ils viennent les arbres, tout ça, là. Le but, c'est d'expliquer d'où est-ce qu'ils viennent, eux, en tant que peuple. Fait qu'ils passent beaucoup plus de temps à parler d'Abraham, de Joseph, de Jacob, que de parler comment est-ce qu'ils ont fait des arbres et les poules. Vois-tu, ça a moins d'importance pour Dieu, ça. Voyez-vous que quand on comprend ça, du coup, on lit pas le livre avec la même raison. Je cherche pas à savoir comment Dieu a créé le monde au début. Oui, il en parle un peu, mais c'est pas ça le but. C'est d'où est-ce que je viens, moi, en tant qu'humain. En tant que peuple de Dieu, alors je dirais en tant que peuple de Dieu. De ce qu'on vient, nous, le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu a le droit de me dire? Parce qu'il est mon créateur. Puis là, j'ai eu Dieu, Adam et Ève, Abraham, tout ça. Et donc, automatiquement, ça donne une idée. OK? Donc, le premier but, le but est de connaître Dieu. Le but de Dieu, c'est de se révéler. C'est de se révéler. Toute la Bible a pour but de faire connaître Dieu. Même l'histoire de l'Évangile, même Jésus, le fait qu'il nous entend, avait le même but, faire connaître Dieu. Donc le but de lire la Bible, si vous voulez lire la Bible, ça devrait être pour le premier but, je veux savoir qui est Dieu. Le but, c'est pas de savoir si je dois me marier ou pas me marier. Ou je dois me remarier, je dois me remarier. Même là, qui vient, peux-tu me remarier? C'est comme si tu ouvrirais un livre de 1000 pages au milieu. Là, tu m'expliques cette page-là au milieu. Cette, ouais, mais il me semble que j'aimerais te dire avant les 500 premières pages. Parce que tu vas avoir la misère à comprendre. C'est pour ça que, je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Quand Paul arrive chez des peuples qui ne sont pas des juifs, ils n'annoncent pas l'évangile de la même façon qu'aux juifs. Vous marquez les actes des apôtres jusqu'au chapitre 17. Quand ils arrivent pour parler avec des juifs, ils leur disent, celui que vous avez tué, c'est lui le Messie. Ils commencent là de même. Alors, quand ils arrivent au chapitre 17, ils arrivent chez les non-juifs, le Dieu qui a créé le monde, il ne parle pas de Jésus. Il doit leur présenter quelque chose avant de leur parler de Jésus. Puis nous autres, des fois, on évangélise, on commence à Jésus direct. Puis les gens te regardent comme un espèce de bizarre. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi tu me parles de Jésus? Pourquoi j'ai besoin d'un sauveur? C'est quoi cette affaire-là, là? Parce qu'ils ne savent pas le commencement. Ils ne croient même pas en Dieu. Soit tu veux le sauver. Ils ne t'écoutent pas. Ça ne m'intéresse pas ton affaire. Il faut toujours faire. Le but, c'est de connaître Dieu. Et quand vous annoncez l'Évangile, ce n'est pas pour que les gens soient sauvés. Premièrement, c'est pour qu'ils connaissent Dieu. S'ils connaissent Dieu, ils vont connaître l'Évangile, ils vont être sauvés. Mais si vous voulez qu'ils connaissent Dieu à travers l'Évangile, bien différent. Puis même qu'ils vont être sauvés, leur désir, ça va être de connaître Dieu encore. Ça, c'est pas juste d'être sauvé par le ciel. Vous, c'est différent. Le but, c'est la connaissance de Dieu. Donc, quand vous lisez, quand vous approchez de votre Bible, vous voulez connaître une personne. Donc, vous allez lire pour apprendre qui est-ce qui est lui, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a fait, comment il pense, comment il agit, qu'est-ce qu'il aime pas. C'est qu'est-ce qu'il pense de l'avenir, comment il voit l'avenir. Et en connaissant lui, je vais connaître les autres affaires qui vont en découler. Mais je dois le connaître, lui. Et vous remarquez comme dans le texte, on ne va pas tout lire parce que je prends pour acquis, vous l'avez lu, il est fait. Il dit, la vie éternelle, c'est de connaître. On connaît quelqu'un en vivant avec, en parlant avec, en posant des questions à cette personne-là. C'est comme ça qu'on va le connaître. Et Dieu dit, et puis, puisque nous, des fois, on parle de vie éternelle souvent, peut-être pas tout le temps, souvent, on parle d'une place. J'ai la vie éternelle. On parle, je m'en vais au ciel. C'est quasiment l'équivalent dans notre tête, des fois. Et c'est pas la réalité. J'ai déjà la vie éternelle maintenant. Je suis déjà ici. Hein? Donc, c'est pas une place, c'est pas un endroit, c'est une personne. J'ai une relation avec une personne. Donc, puis plus je connais la personne, plus ça devient intéressant. Et moins je connais la personne, plus c'est fatigant. Vous allez lire la Bible, ça va être épuisant, ça va être fatigant, ça va donner des règles, des normes, des choses à faire, pas ne pas faire. Mais ça, c'est plate, puis c'est dur, puis c'est fatigant. Mais connaître une personne et d'en découvrir quelque chose au sujet d'une personne, ça devient intéressant. Et là, je me souviens pas qu'il avait raconté l'histoire. Il y avait un homme qui était parti à la guerre, puis il écrivait des lettres à sa blonde tous les jours. Tous les jours, il écrivait des... Puis quand il arrive chez eux, les lettres sont toutes là dans un coffre, puis elle les a pas ouvertes. Elle l'a pas connue. Elle savait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'elle le connaissait pas, là. Dieu a écrit, lui, mais c'est pour nous parler de lui. Ma tendance, votre tendance, on pense qu'il veut parler de nous. Il ne parle pas de nous, il parle de lui. Nous, on est dans le décor, mais lui, il parle de lui. Et si on, et je crois que il y a une moi, je dirais bien ça, une approbation de Dieu, une grâce de Dieu, je ne sais pas comment le dire, que le fait que si quelqu'un est intéressé à vous et qu'il veut vous connaître, comment vous vous sentez, en général, on se sent bien. Quand on dit à quelqu'un, tu m'écoutes pas quand je parle, là. Ça veut dire quoi, ça, là? Hein, ça veut dire quoi, là? Tu m'écoutes pas quand je parle. Ça veut dire beaucoup, là. La personne est en train de dire, tu me valorises pas, tu me comptes pas pour important, je suis pas important dans ça, là. Tu me demandes mon opinion, mais tu veux pas savoir ce que je pense vraiment, là. Tu sais, on dit à personne, ça s'adresse pas à nous. Ça s'adresse pas à nous. L'autre jour, il y a un gars on s'est mis 8 ensemble pour jaser, puis le gars dit, là, on s'est réunis pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, il dit, ben, moi, j'ai pensé que, puis là, il part. Puis là, il dit tout ce qu'il avait planifié qu'on n'a pas fait dans les journées. Mais là, tout le monde s'est assis, il ne veut pas savoir ce qu'on pense. Il devrait tout décider. Une fois, j'étais dans une église, c'est le conseil, on avait présenté à l'église notre budget, présenté à l'église notre réunion d'affaires. L'église, le gars de l'église qui se lève, il dit, ça n'en a rien, vous avez le droit de tout décider. Vous voulez juste qu'on dise oui. On ne l'avait pas trouvé drôle. On avait revisé notre façon de faire les affaires. Parce que là, c'était comme, vous nous demandez pas vraiment, vous avez déjà décidé tout ce qui va se faire, et là, vous voulez avoir notre approbation. Donc, les chrétiens, ils disent, on n'est pas important, c'est pas important ce qu'on pense, vous ne nous demandez pas notre idée vraiment. Voyez-vous, mais quand on s'approche de Dieu avec le désir de le connaître, il y a une réaction de la part de Dieu aussi. C'est pas qu'est-ce que je peux avoir de Dieu. Tu sais, il y a des livres qui vont dire, ça m'a marqué une fois, j'avais un livre, 300 que promesses de la part de Dieu. Fait que là, c'était le but, c'était, va voir, puis ce que Dieu veut te donner à toi. Oh, c'est pas la meilleure affaire, tu sais, là. Oui. Comment tu vois ça? Parce que Dieu dit qu'il a chéri l'Esprit qui a fait habiter en nous. C'est lui, ça? L'Esprit qui est en toi, c'est lui. Oh, je sais. Hein? OK, c'est parce qu'il chérit ce qu'il lui a mis en toi. Pas ce que toi, tu es vraiment, ce que lui a mis en toi. Puis il va dire dans cette semaine, dans Isaïe, je pense, il dit, je fais toutes ces choses-là par amour pour moi et non pas par amour pour toi. La première fois que j'avais lu ça, j'étais jeune chrétien, je disais, oh boy, dire ça à ma femme, moi, elle me coupe le cou. De là où il dit qu'on porte ce trésor dans un verre. Des verres d'argile, oui. Ce qu'il y a de précieux en nous, c'est parce qu'on est fait à l'image de Dieu, puis Dieu habite en nous maintenant. Parce que sans ça, il n'y a plus rien de précieux dans des êtres morts spirituellement, il n'y a plus rien de valable, là, parce que finalement, Dieu, ces êtres-là, Dieu va les chasser de sa présence pour l'éternité. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Quand vous avez commencé à lire votre Bible, ou vous ouvrez votre Bible, faites juste ce petit bout-là, juste avant. Je veux connaître mon Dieu. Je veux juste connaître mon Dieu. Je veux pas savoir qu'est-ce qu'il veut, je veux pas savoir ce qu'il veut pas, dans le sens, là, il veut-tu que je fasse ci, veux-tu que je fasse pas ça, j'ai-tu le droit de faire ci, pas ça qu'il veut. Tu vas le découvrir, ça, en le connaissant. Je n'ai pas besoin, je me souviens quand j'avais acheté ma maison à Val-d'Or, tu sais, j'avais monté ici à Val-d'Or pour voir l'église, mais en même temps, on avait décidé à dernière minute qu'on devait acheter notre maison. Et j'ai acheté la maison, ma femme n'était pas là. Il y a un gars, il dit, t'es brave d'acheter la maison, ta femme n'est pas là. Mais j'ai dit, je sais ce qu'elle veut. Je la connais assez pour savoir ce qu'elle veut. J'ai acheté une maison, puis quand elle est arrivée, elle a dit, c'est parfait. Ouais. C'est la maison que Richard est aujourd'hui. C'était parfait. Je savais ce qu'elle voulait. Je n'ai pas acheté ça quelque part, par-ci, par-là. Quand tu connais la personne, tu sais ce qu'elle veut, tu sais ce qu'elle ne veut pas. Normalement, plus tu la connais, plus tu vas le savoir. Avec Dieu, c'est la même chose. Plus je connais Dieu, plus je vais savoir, ben non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut ça. Pas besoin qu'il m'écrive une lettre, là, pour ça te marquer. Donc, souvenez-vous de ça. On lit pour connaître Dieu. Mais Dieu veut tellement, comme j'ai marqué dans le cours, il veut tellement nous connaître, mais ici qu'on n'est pas capable, donc il a mis son esprit en nous, c'est marqué dans le texte, il a mis son esprit saint, que lui va nous aider à comprendre. L'être humain mort ne peut pas comprendre. Spirituellement mort, il ne peut pas comprendre. Il peut pas. Tu vas donner 10 bibles, 20 bibles. Moi, il y a plusieurs années, j'ai arrêté de donner des bibles aux inconvertis. Ils s'en étaient tout à poubelle en grande partie du temps. Puis souvent, ils commençaient à la lire, puis ils partaient tout croche. Si les chrétiens ont de la misère à comprendre, les inconvertis à ce temps, vous pensez. Puis c'est très rare les inconvertis qui vont prendre une bible, tout seul chez eux, qui vont lire la bible, qui vont se convertir. C'est très rare. Ils vont faire comme l'eunuque. Ils ne comprennent pas, ceux-là. Mais si toi, tu vas et tu expliques, ah, oui, je comprends. Si tu prends Jean 3,16 avec eux autres, ah, oui, je comprends. Ils vont comprendre. Mais si tu leur donnes une Bible, puis ça va chez eux, je dirais 98% des foyers québécois ont toutes des Bibles chez eux maintenant. Ils la lisent-tu? Parce qu'ils ne la comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas où commencer, ils ne savent pas où s'en aller, ils ne savent pas c'est quoi la patente. Moi, je me souviens d'un homme qui avait commencé, puis quelqu'un lui avait donné une Bible, puis il commence à lire dans l'Ancien Testament, puis là, il arrive dans le nombre de Deutéronome, puis tout ça. Il dit, un Dieu de même, j'en veux pas. Il dit, il tue tout le monde. Il fait brûler le monde, puis il n'est pas content, puis le feu pogne des autres. J'en veux pas. La réponse classique dans le nombre. Si Dieu, il est si bon que ça, pourquoi que... Fait que tu sais, quand ils prennent une Bible, qu'ils se mettent à aller, sans que personne leur dise des petites références, comment comprendre, Dieu est bien trop méchant. Parce que la plupart des inconvertis, ils font comme normalement, quand ils lisent un livre, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au début, puis ils commencent la première part, puis ils lisent. Ouais. Puis il y a un livre de... Puis plein de lois, plein de réglementations, puis le monde meurt, puis le feu ici, puis le feu là, puis le tonnerre, puis les éclairs, puis... Oh! On veut pas. Ils ne comprennent pas. Je comprends qu'il y a de la misère à comprendre. Et donc, il faut faire attention. Si tu donnes une Bible, tu dis, ben, il va comprendre. C'est peut-être mieux d'y en donner un moins épais, puis essayer de lui expliquer avec eux autres, pour les aider à comprendre. OK? Quand on a deux petites questions, là. Quel était le but de Jésus en venant sur la terre dans Jean 17? Selon Jean 17, quel était le but de Jésus? Quelqu'un qui voudrait partager sa réponse? C'est le but. Si c'est ça qu'est son but, et lui, on l'appelle la parole de Dieu. Si c'est ça que son but, la parole écrite, c'est la même affaire, là. C'est le même but. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Moi, j'ai écrit glorifier Dieu, puis comment il a fait ça, c'est en accordant la vie éternelle. OK. C'est ça. C'est toujours la même réponse. Quel instrument indispensable pour connaître Dieu selon 1 Corinthiens 2? C'est simple. L'Esprit Saint. Donc, on s'approche de la Bible parce qu'on veut connaître Dieu, mais on est conscient que par nous-mêmes, on ne peut pas le connaître. Ça l'implique notre intelligence aussi. Parce que si tu donnes une Bible à quelqu'un qui a 40, de quotient intellectuel, il va comprendre, même si le Saint-Esprit va comprendre bien moins vite que le gars qui a 140 de quotient intellectuel. J'écoute Don Carson, vous en avez demandé d'en parler depuis une secousse, mais le gars, lui a un impact sur l'Église dans le monde, pas juste à Val d'Or, dans le monde, mon entier. Mais il n'y a pas 40 de quotient, là. Il parle 12 langues, il a 2 ou 3 doctorats, puis c'est un homme, un génie. Paul est un génie. Il a écrit les 3 quarts du Nouveau Testament. Donc Dieu, il n'a pas pris quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire, il dit, ben, je vais me servir de toi, je suis tout puissant, je vais me servir de toi, tu vas écrire le Nouveau Testament. Non, il a été chercher le gars le plus brillant qu'il n'y avait pas, ou à peu près, puis il était un génie, puis je vais me servir de toi pour écrire le Nouveau Testament. Oui, tu as Dieu, mais Dieu se sert de notre intelligence aussi. Donc on ne lit pas la Bible seulement avec le Saint-Esprit, mais aussi avec notre intelligence. OK? Je me souviens une fois, il y avait un homme qui m'a dit, moi j'ai le Saint-Esprit, puis je dis, j'ai pas besoin de toi pour m'enseigner. OK? Je dis, on va faire un test. Je l'ai assis au côté de moi puis lui, puis on a mis 10 chrétiens en avant. On a dit, allez-y, posez des questions. Je dis, on est pareil, lui a le Saint-Esprit, moi tout. Il a assis autant que moi. Ça a pris à peu près 2 minutes. Il dit, mais Saint-François, je ne sais pas quoi répondre. Pourtant, il y avait le même esprit que moi. Ça donne pas toutes les réponses, là, ça, non. Ça implique que moi, j'ai quelque chose à faire dans le sens de lire, de m'instruire, d'écouter, de lire des choses. OK? Puis, je dois impliquer toute mon intelligence là-dessus. Il y a une espèce de vérité un peu mystique parmi les chrétiens que le Saint-Esprit va me montrer, Dieu va me montrer. Puis, on a l'impression qu'en lisant la Bible, 5-10 minutes, que Dieu va tout leur montrer ça. Il y a une croyance de même dans les églises évangéliques. Puis, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et la plupart des chrétiens n'arriveront pas à comprendre ça comme ça. Ça ne marche pas. Avez-vous déjà fait ça? Prendre, mettons, vous lisez le prophète Isaïe. Et là, vous avez un chapitre par jour, ce qui va déjà pas mal. Et il y a 66 chapitres, 60 chapitres. Ça vous prend 2 mots. Quand vous lisez votre 60e chapitre, là, vous ne vous souvenez pas en tout du premier. Fait que vous n'êtes pas capable de faire de lien. Avez-vous déjà fait ça? Lire un livre, un roman? Vous lisez un bout, là, vous allez en vacances, vous mettez là 2 semaines, vous en revenez, vous commencez à lire. C'est quoi, c'était qui, ce gars-là? Je ne m'en souviens plus. Pas trop longtemps, là. Tu ne te souviens pas des premiers chapitres. Les chrétiens lisent la Bible tellement lentement, ils ne sont jamais capables de faire un schéma de ça, une compréhension de ça. Donc, ils vont prendre des petits bouts, ils vont voir, dans un verset, Dieu a tant aimé le monde, en Dieu même, puis là, ils sont tous contents, ils sont heureux. C'est correct! Puis Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il va combler des besoins en toi, comme ça. Mais c'est pas tout à fait la méthode qu'il faut prendre si on veut devenir des étudiants, qu'on veut devenir sérieux, pour devenir dire, je veux comprendre, puis je veux le saisir. Parce que dans le fond, ce que vous voulez faire, là, en lisant votre Bible, c'est, montre-moi à pêcher au lieu de me donner un poisson. C'est ça que vous voulez apprendre. Montre-moi à pêcher au lieu de me donner un poisson. Mais si vous êtes content qu'on vous donne un poisson, c'est bien correct. C'est bien correct. Je connais des chrétiens qui sont très impliqués, qui fonctionnent très bien dans les églises, puis ils lisent jamais la Bible. Puis vous ne sauriez jamais sur leur parler. Puis vous allez voir qu'ils connaissent la Bible, qu'ils connaissent Dieu, puis qu'ils connaissent Jésus, puis ils vont prêcher l'Évangile. Mais vous ne saurez jamais qu'ils ne lisent pas la Bible. Mais ils apprennent d'une autre façon. Ils apprennent de d'autres façons. Il n'y a pas juste une façon d'étudier. Il y en a qui apprennent mieux d'une autre méthode que de s'asseoir puis de lire. J'ai eu un homme, une fois, que j'avais prêché tout mon cœur, puis très bien, qu'il faut lire la Bible. Tiens, la Bible, c'est important, puis si vous ne faites pas, c'est péché. C'est comme ça. Et il vient me voir, il dit, François, il dit, j'ai un problème, il dit, j'ai bien un gros problème. Il dit, moi, j'ai pas été à l'école longtemps, j'ai fait une 5e année. Puis il dit, je lis, là, j'ai mais fait un effort pour lire. Puis il dit, quand j'arrive à la fin du chapitre, je ne me souviens pas ce que j'ai lu dans le chapitre. Il se concentrait tellement pour lire, juste pour lire, parce que c'était un effort intellectuel de lire, connaître les syllabes, les sons, tout ça, de faire la suite dans la phrase. Ça demandait tellement d'efforts qu'il oubliait ce qu'il lisait. Fait que tu te formais avec, tu sais, qu'est-ce que t'as lu? Ça ne souvenait plus. Il y a tout misère, pas d'éducation. Tu peux pas faire se sentir ce chrétien-là coupable. Fait que tu lui donnes un poisson. Puis il mange, puis il est bien content. Puis il te serre la main, puis j'ai appris ce que Dieu voulait aujourd'hui, puis je le fais. C'est tout. C'est pas plus dur que ça. Fait que, culpabilisez pas les chrétiens s'ils vont lire ou pas. Quelqu'un qui veut pas connaître Dieu, qui va pas lire, ça l'intéresse pas, parle-moi pas de ça, ça m'intéresse pas connaître Dieu, ben là, dis, prêche l'Évangile puis se convertisse. Prêche l'Évangile puis se convertisse. Mais le chrétien qui veut connaître Dieu puis qui a de la misère intellectuellement ou de d'autres façons, Mais peut-être qu'il y aurait une autre approche pour l'instruire, une autre façon. Oui, beaucoup plus. D'où son visuel, auditif, c'est différent pour chacun de nous. Mais, donc, on lit pour connaître Dieu, on est conscient de cet esprit, qui est Dieu lui-même, il est en nous, il va nous aider à le faire. OK? Le deuxième but, c'est de se connaître soi-même. Hein? Se connaître soi-même. Avez-vous l'impression que vous vous connaissez? Hein? Est-ce que quand vous écoutez les pharisiens parler avec Jésus, ils se connaissaient-ils? Ils avaient l'impression que oui, eux autres. Je suis allé voir un psychologue une fois, j'avais besoin de consulter, et je parlais avec lui. J'ai dit, je m'excuse, j'ai dit, je suis chrétien, à quoi je suis chrétien? Voici ce que je crois par rapport à l'être humain. Oh ben là, si c'est ça que tu crois, je ne pourrais pas t'aider tout le temps, là. Parce que sa compréhension d'être humain, c'était pas ce que moi je croyais. Donc, pour lui, c'était dû de m'aider jusqu'à certains points. Parce qu'on n'avait pas la même compréhension. Pour lui, j'étais une victime. En grande partie. Puis moi, dans ma compréhension, je suis pas une victime. Je suis un pécheur. Donc, ça, on partait pas sur les mêmes pauses, les mêmes, assises, là. Je suis pas une victime, je suis un pécheur. Donc, c'est pas pareil, là. Ouais. Fait que là, ça va pas trop où est-ce que se lancer. Mais, voyez-vous, c'est important. Je dis pas de pas consulter, non? J'ai fait ça 2-3 fois dans ma vie chrétienne. Mais ça m'a aidé. Mais il fallait que je prenne pour acquis que moi, j'avais pas la même compréhension de l'être humain que cette personne-là, elle avait. Et quand Jésus s'adresse à la population, quand il est sur la terre, on voit bien que les gens comprennent pas qui ils sont. Souvenez-vous quand il dit, les apôtres ont dit, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? J'ai dit, ben non, c'est pas ça. C'est pas ça que ça marche. Vous n'avez pas la bonne compréhension, là. Vous ne connaissez pas bien là, l'être humain. C'est pas mal que ça marche, là. Il y a du monde qui vont venir au monde en santé, puis d'autres infirmes, puis ça n'a pas rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie, là. Donc, il faut faire attention de la société, nos écoles en général, nos psychologues, les livres qu'on va lire. L'être humain est une victime. C'est la faute des parents, c'est la faute des grands-parents, c'est la faute de la société, c'est la faute de tout le monde. C'est pas la faute du petit enfant qui vient de venir au monde, là. David m'a dit, c'est sa faute. C'est un enfant de colère à venir au monde. Et donne-lui Jésus comme père, puis il va être croche pareil. C'est l'être humain, il est responsable. Il n'est pas une victime. Et il faut faire attention. Il faut partir avec ce but-là. Je veux savoir qui je suis. Parce que je ne sais pas qui je suis. J'ai une bien mauvaise idée. Il faut comprendre, frères et sœurs. On est des êtres. La Bible nous dit qu'on est corrompu jusqu'à dans le fond de notre cœur, hein, jusqu'à l'os, comme on dit des fois. Dans ma tête, le péché est là. Je suis un pécheur. Je ne suis pas capable de comprendre qui je suis vraiment. C'est ça que Dieu était obligé de venir, ou Dieu, pour me dire qui je suis. Je ne sais pas. Souvenez-vous des hommes qui ont parlé avec Jésus? Nous avons pour père Abraham. Oh non, j'ai une surprise pour vous autres. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez pour père le diable. Quel choc! Quel choc! Tu sais, le plus grand rabbin du pays, tu regardes dans les yeux et tu dis, ton père, c'est le diable. Tu ne savais pas, hein? Mais là, c'est de ne pas se connaître. Ça, c'est de ne pas se connaître. Okay? Tu te prends pour un enfant de Dieu, mais tu es un enfant du diable. Bon. Tu es loin? C'est les deux extrêmes, là. Donc, ça prend Dieu pour me dire qui je suis. Si Dieu ne serait pas venu me dire qui j'étais, premièrement, je ne serais pas sauvé. Point. Je ne serais pas sauvé. Il faut qu'il vienne me dire qui j'étais. Puis, il faut qu'il m'aide à croire qui j'étais. Parce que je n'étais pas qui j'étais. Donc, quand vous lisez, ben, si vous pourriez faire ça à un moment donné, puis dire, je vais lire l'évangile de Matthieu, puis je vais écrire tout ce que je découvre dans Matthieu sur l'être humain, sur moi. Comme matin, on a lu Luc 15, on voit l'enfant premier qui rejette son père, qui prend tout ça puis s'en va. Ça, c'est moi, c'est l'être humain. L'être humain est comme ça. Il prend ce que Dieu a créé. Je prends ce que Dieu a créé, je m'en sers pour moi, et je ne veux rien savoir de Dieu avec ça. C'est pour moi que je le prends. Souvenez la parabole des trois serviteurs. Un a donné 10 talents, 5 talents, 1 talent. Tout le monde avait reçu du même personnage. Il y en a un qui dit, « T'es un mauvais roi, moi je prends ça, puis je vais aller te cacher dans la terre. » Il n'utilise pas ce que Dieu lui a donné pour la gloire de son maître. Puis ça va en enfer à cause de ça. Je vais aller dans les feux de graissement dedans. Donc, pour lui, il se connaît pas, puis il connaît pas Dieu, donc il n'y a plus rien qui fonctionne. L'être humain est méchant. De par nature, la Bible nous le dit, on a de la misère des fois à l'accepter, mais c'est comme ça. L'être humain est méchant. Les petits poupons qu'on voit dans nos lits sont juste pas capables d'exprimer leur méchanceté. C'est pas parce qu'ils sont bons. C'est pas des petits anges, là. On dit ça souvent, on entend ça, c'est un petit ange. Non, non. Attends, laisse-y du temps. Les cornes vont sortir. Les petites cornes vont sortir chaque bord. Il est juste pas capable d'exprimer, là, encore. Mais qu'il soit capable d'exprimer, vous allez voir, il est pas si un petit ange que ça. Puis là, c'est un peu plus vieux, puis ça va tout se manifester à un moment donné, puis vous allez voir que, ah ben, il est fatiguant, ce bonhomme-là, je veux pas me marier avec, je vais divorcer. Voilà. C'est ça qu'on finit par dire, du petit poupon qu'on a vu. Mais c'est parce qu'on connaît pas. Il faut toujours laisser Dieu nous dire qui on est. L'accepter, oui, par la grâce de Dieu, par son Esprit Saint. Et la Bible est là pour ça. C'est une espèce de miroir. Et on rouvre ça. On regarde. Oh, c'est ça que Dieu dit de moi. Ma femme a beau dire autre chose. Mon mari a beau dire autre chose. Mes enfants ont beau dire ce qu'ils veulent. T'es le meilleur papa du monde. J'ai reçu ça dernièrement. Ma fille a écrit ça. T'es le meilleur papa du monde. Oh. C'est pas ce que j'ai lu un matin dans ma Bible. Voyez-vous? En ce que la personne peut me dire, qui est bien gentille, là, elle l'a fait avec tout l'amour qu'elle a, mais la réalité de ce que Dieu m'a dit le matin, c'était pas ça. Est-ce qu'il faut croire? Elle ou Dieu? Qui m'a dit un matin que j'étais un pécheur, un orgueilleux. C'est lui que je vais croire? Ou non? Hein? Vous savez ce que je veux dire? Donc, il faut lire puis dire, ça va tout briser ma connotation, ça va tout me détruire de ce que je sais de moi, de passer de moi. Dieu m'aime assez pour me dire la réalité. Les êtres humains, non. Les êtres humains s'aiment assez qu'ils ne vous diront pas qui vous êtes. Parce qu'ils veulent que vous les aimez, donc ils ne vous diront pas qui vous êtes. Si vous le direz, vous ne voudrez plus être leurs amis pas du temps. Moi, je dis tout le temps, des fois, je dis dans la Bible, je dis, une chance que tu es Dieu, parce que si tu ne seras pas Dieu, je n'accepterai pas ça. Parce que des fois, ils nous disent des affaires qu'on ne voudrait pas accepter d'un être humain, ils nous le disent. Mm-hmm. La Bible, elle me dit que, dans un passage, que je suis du fumier. Mm-hmm. Qui peut vous dire ça pour vous aller le regarder et dire merci Seigneur, je te loue pour ça ce matin? Hein? Qui va te dire un matin, là, t'es du fumier un matin, que tu vas le remercier pour te l'avoir dit? Il y a juste à Dieu qu'on dit ça, là. Merci de m'avoir révélé qui j'étais ce matin, Seigneur, je te loue. Mais c'est ça la réalité. Si on ne veut pas se faire dire qui on est, il ne faut pas lire la Bible. Il ne faut pas lire la Bible. Parce qu'elle va nous le dire, Anne. Parce qu'elle est là pour ça. Elle est là pour nous. Il faut que Dieu nous révèle qui qu'il est. Et en même temps, il va nous révéler qui qu'on est. Puis M. Carson disait ça, cette semaine, je l'ai entendu, mais je l'avais déjà entendu quand j'étais jeune, chrétien, mais on appelle ça le cercle. Des fois, on dit des cercles vicieux. Là, c'est un cercle de sainteté. Plus je me connais, plus je veux connaître Dieu. Mais plus je vais connaître Dieu, plus je vais voir qui je suis vraiment. Mais plus je vais voir qui je suis vraiment, plus je vais vouloir connaître Dieu pour pouvoir vivre là-dedans. C'est une cercle qui se continue de même. Et Don Carson, il disait cette semaine, il y a un jeune chrétien qui vient le voir, puis il dit, « Don, il dit, je t'ai sauvé juste depuis quelques mois, puis là, il dit, plus j'étudie la Bible, plus j'avance, plus je me vois, c'est tout croche mon affaire, puis je me vois tout croche, puis ça marche pas, là, je me vois de plus en plus pécheur. » Donc, ça fait quoi de temps, t'es sauvé? 3 mois. Ben, il dit, lâche pas, ça va durer un autre 30 ans. Puis tu vas devoir de plus en plus noir. il dit, il se pensait qu'il était vraiment là, tu sais, là, je peux pas avoir un peu. Dis-moi en pas plus, Seigneur, parce que là, je n'en sais. Il dit. Ça, c'est normal. C'est Don Carson qui. Oui, vas-y. Ben, c'est ça. Plus j'étudie, plus que Dieu me révèle comment je suis. C'est normal, ça fait pas. Avoir, ouais. Mais en même temps, on réalise que Dieu est bon. Ça va être la grâce qui va paraître aussi en même temps plus grande. Parce que si ton péché est grand de même, la grâce de Dieu est grande de même. Là. Dan Carson disait cette semaine que quand son père est décédé, il a trouvé un journal de son père, un journal intime de son père. Puis son père est mort dans les 82, 83 ans. Puis dans les dernières années, les derniers mois, mais ça, c'était à la fin de sa vie, il disait dans une des affaires, il disait, Dieu, je ne comprends pas comment tu peux faire pour aimer un homme comme moi. Toute sa vie, pasteur, 80 ans passé, je ne comprends pas encore pourquoi tu peux aimer un homme comme moi. Il se voyait tel qu'il était. Mais il voyait Dieu aussi tel qu'il était. Ça ne l'a pas détruit, là. Il est resté croyant dans la foi, il a fonctionné avec le Seigneur. Parce que dites, prenez un converti, puis dites tout ça, là. Le plus grand malheur qui pourrait arriver à un homme, un être humain, c'est que Dieu lui donne la repentance, mais il ne lui donne pas la foi. Ça, c'est le plus grand malheur qui pourrait pas arriver à un être humain. Il se voit tout d'un coup comme manqué, puis il ne peut pas rien faire pour s'en sortir. C'est pour ça que les gens rejettent l'Évangile en grande partie. Il faut qu'il admette son péché, puis il se dit, hey, je veux pas être ça, puis ils sont pas capables d'accepter de se voir tel qu'ils sont, parce qu'ils connaissent pas la grâce pour être pardonnés. Fait que, c'est comme tu dirais à quelqu'un qui est bien malade, qui va mourir, puis t'as aucun remède à lui donner. C'est pas facile, ça. Mais si tu dois lui dire qu'il est malade, mais t'as aussi le remède à présenter, rien, c'est pas si mal. Puis il va l'accepter, le gars, là. Je vais te dire quelque chose, t'es malade, c'est grave ce que t'as, mais j'ai aussi un médicament, là. Ah, OK. Bon, il va accepter sa maladie. Mais ça peut bien. Puis, les deux font le cercle. Dieu se révèle, tu te vois, t'aimes Dieu. Tu adores Dieu encore plus. Dieu se révèle un petit peu plus, oh, tu vois Dieu mieux encore. Puis là, il y a une espèce de cercle qui s'embarque dedans. Plus tu vas grandir dans la foi, plus tu vas vieillir dans ta foi, dans ta connaissance de Dieu, plus tu vas trouver Dieu beau, plus tu vas te trouver noir en tant qu'être humain. Moi, dans ce cercle-là, comme tu dis, à chaque fois qu'on fait le tour du cercle, moi puis Dieu, et Dieu avec moi, ça me passionne davantage. Ben oui, c'est automatiquement. Ouais. Oui. Lui agit, il est toujours le premier. Nous, on fait juste des réactions à ce que lui est en train de faire. Lui agit, nous on réagit tout le temps. Mais on veut connaître. Donc, il faut lire la Bible avec ce désir-là de connaître. Là, on a quasiment répondu à nos questions à Josin. Quelle est la pensée contemporaine de l'homme? Y'a-tu qui veut exprimer qu'est-ce que vous avez lu, écrit? Vivre selon ses convoitises et pensées. OK. Il veut juste combler ses convoitises, ses pensées. Vivre selon la loi. Hein? Il est le maître de sa vie. Oui. L'homme croit que sa nature est fondamentalement bonne. Il peut faire de bonnes choses. Il pense pouvoir s'en sortir de ça, améliorer le sort de la société. Oui. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est toutes les religions du monde. Les religions du monde sont une manifestation que l'être humain se croit assez bon pour gagner son ciel. Se croit assez bon pour mériter que Dieu lui donne le ciel par sa vie qu'il va faire. Tout le mouvement hindouiste ou bouddhiste qui croit à la réincarnation, c'est quoi? Tu te recycles une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à temps que tu es capable de t'intégrer avec Dieu. Donc, voyez-vous qu'il se croit assez bon pour être capable d'atteindre la perfection. Donc, c'est très attirant comme philosophie. Quelle est la description que Dieu donne de l'homme dans Éphésiens chapitre 2? Il est mort spirituellement, il est esclave du péché. Mort spirituellement, esclave du péché, d'autres choses? Nous étions aussi des enfants de colère. Des enfants de colère. Loin de Christ, étranger. Étrangers. Il dit, on a pour maître le fils de la rébellion, on a suivi par notre nature, on suivait Satan comme maître, comme père. Et ce qu'il dit de l'être humain dans Éphésiens 2, là, pas évident. On verra pas ça dans les manuels d'école, quand ils enseignent aux enfants, là. Moi, quand j'étais professeur en morale et en enseignement religieux à l'école publique, puis c'était défendu de dire ça aux enfants. J'avais pas le droit, il m'a dit, vas-y, on te défend. Tu peux dire que Dieu les aime, ça, c'est correct. Mais tu parles pas du péché, tu parles pas d'enfer, tu parles pas, tu dis pas qu'ils sont méchants, tu dis pas rien de ça. Mais vous? Ah, tu peux t'actionner. Oui, un psychologue, une fois, il a fait une plainte, il voulait enlever mes enfants. Il a voulu enlever mes six enfants. Parce que je lui avais dit que, ils ont dit, Je parlais avec la psychologue, puis on a, finalement, j'ai emmené l'évangile, on a parlé de l'évangile ensemble, finalement. Puis, elle dit, est-ce que tu dis ça à tes enfants? Ben oui, pas dans ces mots-là, parce qu'ils sont pas assez vieux encore, mais je leur dis qu'ils sont pécheurs, que s'ils se repentent pas un jour, ils vont mourir, ou éloignés, ou aller en enfer. Mais... Tu lui dis ça? Elle fait une plainte, elle veut enlever mes 6 enfants, pas sans cours. Ah ouais, ouais, elle l'a fait mal faite, elle est partie. Puis elle a été stoppée, ils ont dit, voyons donc. Ils l'ont arrêté un peu plus loin dans la marche, là. Non. Elle m'est venue, ils ont dit, ils n'ont pas voulu. Ben, tu arrêtes debout, t'as la plus tes enfants. Elle dit, dis des affaires de même aux enfants, c'est épouvantable. J'ai dit, madame, c'est comme si vous êtes en train de me dire, là, que si vous dites à votre enfant qu'il est malade, que c'est pas de l'amour. C'est de l'amour. Vous dites qu'il est malade puis que vous avez un remède. Vous allez voir le médecin avec lui. C'est de l'amour, ça? Moi, c'est spirituellement, c'est la même affaire, là. Voyez-vous comment est-ce que les gens pensent? Donc, si elle est c'est elle, la professionnelle de l'esprit, de l'âme humain, c'est ça qu'elle croit. Elle conseille tout le monde dans cette direction-là, elle, là. Fait qu'ils connaissent pas l'être humain, OK? Qui a raison? Et pourquoi? On sait que c'est Dieu qui a raison. Pourquoi elle pensait que Dieu a raison? En omniscience. En omniscience, oui, c'est tout. Puis il nous a créés. Hein, il nous a créés. Il sait qu'est-ce qu'on est. Moi, j'utilise cette petite patente-là, j'aime bien ça, là. Mais j'ouvre jamais le couvert. Je sais pas comment ça marche en dedans. Je veux pas savoir. Pourvu que ça marche, ça fonctionne, c'est bon. Mais je connais rien à l'intérieur. Mais si quelqu'un qui connaît plus professionnel que moi, il dirait, François, en dedans, c'est comme ça, on peut faire ça. Je dirais, ouvre-les, puis ça allait parler. Parce que lui, professionnel, il connaît ça. Il l'a bâti, l'ordinateur. Moi, je vois juste qu'à dire, pour l'instant, je vois juste qu'à dire que si Dieu sait pas qui je suis, il est pas Dieu. Non, mais non, il ne serait pas Dieu. Non, non. Non. Puis tu ne pourrais pas savoir non plus qui t'es jamais. Ouais. C'est fini. Il n'y a plus de. C'est lui qui m'a créé. Donc, automatiquement, il sait comment je fonctionne. Tu sais comment ça fonctionne. OK, le troisième but est de connaître le salut en Christ. Donc, vu qu'on a un Dieu parfait, qu'on apprend à le connaître, il est saint, il est juste, je me regarde, je suis un pécheur, puis je suis perdu. Ben là, la première chose, c'est comment je fais pour être sauvé. C'est ça qui vient quasiment, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Tu sais, quand Pierre a prêché, dans Acte 2, quelle était la réaction? Pierre nous a dit, qu'est-ce que vous avez tué le Messie? Vous avez, oh, là, vous avez fait ça, puis Dieu, là-bas, oui, là, là, là. C'est ce qu'ils font? Mon frère, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, Pierre, il parle de l'Évangile. C'est la réaction normale. Si je te présente Dieu, tel que la Bible le présente, l'inconverti normal n'en voudra pas. Il va dire, c'est bien trop méchant cette affaire-là, c'est de Dieu de même, on n'en veut pas. Bien sévère. Ma mère a été élevée dans le mouvement catholique, et les autres, ils apprenaient l'histoire sainte. Ça va être les plus vieux, ils savent ça, là. Ils apprenaient l'histoire sainte. C'était toutes les histoires de l'Ancien Testament. Puis la conclusion que ma mère avait vue, c'était Dieu très sévère, très exigeant. La grâce, elle ne connaissait presque pas ça. Elle savait que Jésus était mort parce que la colère de Dieu, mais elle ne savait pas pourquoi. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Donc, la compréhension qu'elle avait de Dieu, c'est un Dieu saint, un Dieu colère. Pourquoi les gens enlèvent le déluge? Ben, Dieu ne peut pas faire ça, trop bon. Sodome et Gomorre? Non, Dieu ne peut pas détruire 2 villes. Non, Dieu est trop bon. Dieu peut pas. Non, il n'y aurait pas de fin du monde. Dieu est trop bon. Ça ne peut pas. Vois-tu donc, automatiquement, n'accepte pas ces choses-là. Le troisième but, donc, au lieu de rejeter, vu qu'on connaît Dieu, puis qu'on se connaît, mais là, qu'on nous présente l'Évangile, si on va nous présenter l'Évangile, ben, ça va être normal. Ça va être normal. C'est quasiment instinctif. C'est naturel. C'est ça qu'on veut entendre, là. C'est ça qu'on veut entendre. Je viens rencontrer le médecin m'a dit que j'étais malade. Tu le regardes des yeux, t'as-tu un remède, tu sais, t'as-tu quoi que tu veux? Fait que s'il rouvre la bouche, j'ai un remède, ah oui, c'est ça que je m'attendais à tu dises, là. C'est ça que tu voulais. Et là, on parle de la grâce de Dieu ou de l'Évangile. On va lire quelques versets, si vous voulez bien. Je vais les lire moi-même pour le bien-être de ceux qui vont écouter. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, qui est la Bible, ce que tout le monde appelle la Bible aujourd'hui. Il dit aussi, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors, il dit dans 2 Pierre 1, 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur. Dans 2 Pierre 1, 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Si vous voulez être stimulé à connaître 2 Pierre, prenez 2 Pierre, lisez-le. C'est le but fondamental de 2 Pierre. Connaître, connaître, connaître. Juste le premier verset jusqu'au dernier verset. Oui, mais par rapport à 2 Pierre, là, j'ai toute la. Sur la Saint-Marc-François, sur 2 Pierre. Un Pierre, il parle surtout de la fin des temps. 2 Pierre, c'est sur sa connaissance. Il veut stimuler le chrétien à connaître. Hein, puis il donne tous les bienfaits d'apprendre à connaître Dieu puis sur l'Évangile. Apportez vos CD ou vos USB. Oui. Tu peux aller sur mon blog aussi en même temps. Parce qu'il y a un paquet de versets qui sont là, que vous avez lus. Et connaître l'Évangile. C'est nouveau dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. Paul écrit à l'Église de Rome. Puis il leur dit, j'ai hâte d'aller vous voir pour vous communiquer l'Évangile. La première fois que tu lis ça, tu dis, ils sont sauvés. Pourquoi ils veulent lui communiquer l'Évangile? Parce que dans notre tête, à nous autres, l'Évangile, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Ça, c'est fait partie de l'Évangile. L'Évangile, c'est plus grand que ça, non? L'Évangile, si je pourrais le résumer comme ça, l'Évangile, c'est Jésus. Jésus, c'est l'Évangile. Ça va ensemble, c'est la même personne. On peut dire la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Ça va ensemble. L'Évangile, c'est l'histoire de la personne de Jésus. Qui qu'il est, qu'est-ce qu'il est venu faire, pourquoi il l'a fait, qu'est-ce que ça va amener comme résultat. L'Évangile, c'est beaucoup plus vaste que « Crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Nous, on a simplifié ça à l'extrême. Là. On prend un petit pamphlet, il y a 4 versets dessus. Je vais te présenter l'Évangile. On présente ça à quelqu'un. 4 versets. On devrait dire, je vais te parler un peu de l'Évangile, un petit parti de l'Évangile, mais je ne te présente pas l'Évangile comme tel. C'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, apprendre à connaître l'Évangile... C'est toute notre vie que ça prend pour comprendre ce que c'est quoi l'Évangile. Je me souviens une fois, j'étais dans une conférence, il y avait à peu près 800 pasteurs, j'étais en Nouvelle-Écosse, et le gars qui nous invite, ils ont invité monsieur, c'était Baxter, si je ne me trompe pas, c'était monsieur Baxter. Et c'est lui qui est allé inviter pour prêcher à ces 800 pasteurs-là. Et fait qu'il dit, on va prendre un moment pour prier avant de commencer. Puis il se courbe la table, il dit, Seigneur, sauve-moi! Amen! Là, tout le monde. On a un prédicateur qui n'est pas sauvé. Ça va pas bien. C'est la seule prière qu'il fait. Seigneur, sauve-moi. Puis là, il dit faites-vous en pas, je vais prêcher là-dessus. Là. Vous pensez que ma prière n'est peut-être pas adéquate, mais elle était adéquate. Il dit sauve-moi, c'est beaucoup plus large que efface mes péchés. C'est beaucoup plus large que « Donne-moi la vie éternelle ». L'apôtre Paul, il dit, « Vous avez été sauvés, vous êtes en train d'être sauvés, et vous serez sauvés. » Mais ça, à toi, autant. Donc, on a du stock. Parce que tout ce qui s'en vient dans l'avenir, ça fait partie de l'Évangile aussi. L'Apocalypse, c'est l'Évangile. Ça fait partie de l'Évangile. Fait que l'Évangile, c'est pas juste les 4 Évangiles, comme on pense, les petites histoires de Jésus, qui est un petit bébé qui vient dans ça, puis qu'il marche sur une croix, et ensuite, ah, ça c'est l'Évangile. Non, ça fait partie de l'Évangile, mais c'est pas juste ça l'Évangile. Mais si vous lisez, puis là je dis, maintenant je veux apprendre à connaître l'Évangile. Tout ce qui est par rapport au salut de Dieu. Et moi je vous dis, j'ai étudié depuis 30 quelques années, maintenant je suis sauvé. Et je découvre continuellement. Puis j'ai passé ma vie, moi, là. C'est 7 à 8 heures par jour que j'ai passé dans ma Bible. J'étais un professionnel, entre guillemets, là. Comme lui, il passe 8 heures sur un truc. Mettons, moi, je passe 8 heures à mon bureau, là. Mon père m'avait dit une fois, « T'es pas tanné de lire mes livres. C'est si dur que ça à comprendre, t'sais. » Mais non, c'est parce qu'il dit, le sujet est très vaste. C'est très vaste. Et il y a 1600 pages, puis c'est beaucoup d'histoires, là. Tout ce que Jésus a fait. Hein. Mais c'est vraiment important qu'on saisisse que le sujet est énorme. Vous n'arriverez jamais à la fin de ça. Là. Et plus vous allez découvrir l'Évangile, vous allez vous apercevoir avec moi que c'est de moins en moins votre histoire, c'est son histoire. C'est son histoire. C'est une source inépuisable. Et nous, on pense que l'Évangile, c'est pour nous, mais l'Évangile, c'est son histoire. Et M. Carson disait ça aussi, ce que j'écoutais dernièrement. Et moi, je disais ça à des termes comme si l'Évangile qu'on prêche aujourd'hui, en grande partie, est anthropocentrique. Centré sur anthropo, c'est le mot homme, hein, anthropologie, homme, l'étude des hommes, est centré sur l'être humain. Quand l'Évangile du Nouveau Testament, c'est théocentrique, centré sur Dieu. Ça vient de Dieu, ça a été fait par Dieu, et c'est pour Dieu. Ce n'est pas inventé par l'homme, c'est pas pour l'homme, c'est pas pour le but que l'homme se sente bien. C'est, oui, l'homme va se sentir bien, mais c'est pas ça le but. Tu dois te sentir bien pour quelque chose d'autre. Donc, que le Seigneur puisse vous aider à prendre ces choses-là pour acquis. Ça, c'est la leçon 1. Maintenant, on va aller à la leçon 2. C'est moins spirituel. Tu avais d'autres questions, là, leçon 1? Le salut que Dieu t'a accordé dans son amour, le comprends-tu pleinement? J'espère que vous avez tout marqué, non? Pas pleinement, on le comprend. Ouais. On en comprend. Oups. Plus qu'hier, moins que demain. Hein? Plus qu'hier, moins que demain. Le petit médaillon qu'on se donnait quand on était jeune. Là. Je t'aime moins qu'hier. Puis... Non, je t'aime plus qu'hier, mais moins que demain. Et on connaît Dieu moins, plus qu'hier, mais moins que demain. Il y a toujours la connaissance qui augmente dans ce sens-là. Et là, on va regarder dans la leçon 2 des méthodes. Hein? Il y avait des autres à la fin. Non, je vais se faire, parce que j'ai fait ça, puis ça va être correct. Okay. Je ne veux pas que ça soit trop long, parce qu'il y en a qui s'en vont. En lisant avec des bonnes méthodes. Je ne sais pas comment vous lisez vos Bibles quand vous la lisez, mais on va essayer de voir comment lire la Bible comme telle, dans le pratico-pratique. Là. On ne parle plus du spirituel, de gauche à droite. Ouais. Si vous allez de droite, prenez-vous un Coran si vous voulez faire ça, de droite à gauche. De gauche à droite. Mais la plupart des chrétiens vont lire, puis ne vont pas le lire toujours de la bonne méthode. Là, je parle juste de méthodologie. Là. C'est pas dans la Bible, ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. On fait juste donner ça. Moi, on m'avait dit ça il y a 25 ans, à peu près 20-25 ans, et ça m'a aidé à aller plus loin dans ma compréhension de Dieu. Et dans mon, aussi dans ma compréhension des Écritures. Donc, vous savez que la Bible, c'est un livre qui a été écrit sur 1600 ans d'histoire. OK? 1600 ans d'histoire. C'est long. Ça a été écrit par combien de personnes? Du 42? Il me semble que c'est 42 personnes. Hein, c'est ça marqué? 42? Il me semble que j'ai-tu marqué? Oui, 42. Il y a 66 livres dedans. Donc, juste là, là, si on prenait des livres de médecine qui ont été écrits sur une période de 1600 ans, puis on en prendrait 42 et on prendrait 42 auteurs différents, puis 66 livres, vous voyez, puis 42 auteurs, ça serait le bordel là-dedans. Là. Il faut comprendre ça. Et il faut comprendre aussi, sur une période de 1600 ans, les mots ne veulent pas dire la même chose tout le temps. Moi, comment j'ai vu des pasteurs prendre un mot, puis dire, il le dit dans Job, puis il l'emmène dans Matthieu, puis il dit, ça veut dire la même chose, et ça ne veut pas dire la même chose. C'est une période de 1600 ans, les mots changent de sens. Faut que tu tiennes compte de ça quand tu lis. Parce que là, moi, je dis souvent aux gens, tu veux une page entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais il s'est passé 400 ans, là, en virant la page. Tu dois t'en souvenir de ça. C'est pas les mêmes contextes. C'est pas les mêmes vins qui parlent. C'est pas le même personnage, c'est pas la même méthode. Ça change de langue. Si tu avais le texte original, tu aurais passé de l'hébreu au grec. Là, tu dis, oh, je sais pas le grec, je fais quoi, là? D'une chance, on tourne en français encore. Mais faut que tu tiennes. Ça change de langage, change de culture. L'Ancien Testament, c'est un livre juif, hébraïque, dans une culture monothéiste, juste un Dieu. On tourne dans le Nouveau Testament, c'est un peuple grec, philosophie pluralisme, de sens de plusieurs dieux. Tous ces gens-là qui recevaient, ils avaient des idoles plein leurs poches. Les autres, ils reçoivent, ils entendent parler de Dieu, c'est tout un autre langage. Donc, les mots, c'est le même Dieu qui gère tout ça, une chance, parce qu'on jette ça à la poubelle, ce livre-là. Mais il faut que je tienne compte de ça quand je lis. Quand la Bible qui dit que Job était intègre et juste. Et la Bible nous dit que nous sommes justes. Pas pareil du tout. J'aime autant mon juste que son juste. Mais c'est le même mot. Donc ça change. Ça change de sens des fois. Donc il faut faire attention. Et la Bible, il faut que tu dises que quand je lis un nombre, le gars qui a écrit nombre n'avait jamais lu l'Évangile. N'avait jamais entendu parler de Jésus de sa vie. Donc, faut pas que je mette Jésus dans le premier chapitre de Nombre, fasse trop vite, parce que, on va te dire, ben là, c'était Jésus, il était pas là, là. C'est pas ça qu'il parlait, le gars, là. Ça a peut-être un lien, plus tard, avec Jésus, mais là, qu'est-ce que, il pouvait pas dire au peuple quelque chose, il allait dire, on sait pas c'est qui, notre Jésus-là, là. Fait, faut faire attention quand vous lisez que c'est un livre qui a plusieurs, c'est une longue période de temps. Donc, c'est, il faut se dire, quand je vais lire, si je lis Genèse le matin, puis Matthieu le soir, je suis dans deux mondes différents, là. Mille ans entre les deux, là, certains, là. Là, je suis dans deux mondes différents. Les mots changent, les sens changent, la révélation n'est plus la même par rapport à Dieu, dans le sens que, c'est pas contradictoire, mais il ne savait pas, lui-là, là. Je ne pouvais pas lui faire dire ça, moi, il ne savait pas, lui. C'est moi, je le sais, parce que je suis ici, bon, c'est de la croix, là. Lui, ça va pas, là. Je peux pas mettre dans la bouche de Moïse ce que Paul a dit, parce que Moïse ne savait pas, ça. Moïse pouvait pas dire, il dit, va venir un prophète, comme moi, si vous croyez pas en lui, vous allez être rejeté du peuple. Il a dit ça, mais il savait pas que c'était Moïse, il savait pas que c'était Jésus, il savait pas qu'il mourrait sur une croix, il savait pas rien de ça. Jusqu'à la dernière minute, Pierre ne voulait pas que Jésus meure sur une croix. Moi, de défendre avec mon épée, puis toi, tu vois, parce qu'ils ne comprenaient pas ça, là. Donc, il ne faut pas mettre dans la bouche des prophètes, dans l'assassinat, des choses qu'ils n'ont pas dit. Nous, on le voit là, parce qu'on le sait, là, on est là maintenant. Donc, il faut faire attention. Donc, moi, je vous dirais que faut tenir compte de ça en partant. C'est un livre qui est une longue période de temps. Plusieurs auteurs différents. On appelle ça en théologie la révélation progressive. Dieu s'est révélé, mais il révèle toujours plus de lui. Toujours plus de lui à s'en aller. Donc, moi, je vois compte que quand je lis Moïse ou que je lis Isaïe, qu'est-ce qu'ils savaient de Dieu eux autres? Faut faire attention, là. Faut pas que je fasse dire plus qu'ils savaient. Des fois, on entend des gens prêcher dans les psaumes des affaires sur l'Évangile, puis non, c'était même pas su, là. C'était pas. Faut que je découvre qu'est-ce que Moïse voulait dire à ces gens-là à ce moment-là. Là, je l'applique dans le Nouveau Testament, si je veux. Puis moi, je dis aux gens, il y a beaucoup de mouvements religieux qui se sont égarés parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils ont fait la différence, ils n'ont pas été capables de franchir le pas dans leur compréhension. Ils ont planté dans le fossé entre les deux. Quand vous passez de l'Ancien au Nouveau, faites très attention à ce que vous faites. Très attention. Beaucoup de gens vont partir avec des affaires de l'Ancien Testament et ils mettent ça dans le Nouveau, mon gars, puis c'est complètement pété. Est-ce qu'ils ne tiennent pas compte? C'est deux alliances différentes. Deux façons de s'approcher de Dieu différents. Deux façons d'être dans le sens de la nouvelle naissance avec cet esprit dans nous autres et toutes ces affaires-là. C'était pas là dans ce testament comme ça. Faire attention. Très attention. Donc, tenez-vous compte de ça, là. Je te donnais une bibliothèque de 1600 livres chez vous. Ça, c'est une belle bibliothèque. Déjà, on partait. Puis, il y a des livres là-dedans qui ont quasiment 1500 ans. D'autres livres ont 500 ans. D'autres livres ont 1000 ans. Comment tu liras ça? Matin, je lis celui-là, c'est correct. Matin, je lis l'autre, c'est correct. Je sais pas de quoi il parle vraiment. Je sais pas où ce qui était, le gars. Je sais pas ce qui était, mais je lis ça matin. J'ai un livre de médecine du 1er siècle. Puis là, ils me disent que je dois me couper le dessous du pied quand j'ai mal à la tête. Waouh! On va lire ça. Tu sais, on va faire ça matin parce qu'il dit dans le livre, là, c'est un livre de médecine, ça. Il dit, oh, t'as un petit gars. C'était au 1er siècle, celle-là, non? Ils ne savaient pas, les autres, là, qu'est-ce qui se passait, là. Avez-vous déjà fait ça, des saignées pour saigner, guérir le monde? Quand j'étais jeune, le cultivateur, c'était la méthode. On coupait tous les animaux. On lui coupait la queue. C'était la méthode. On prenait le bout de la queue pour couper ça. Il fallait qu'il s'en coule, le microbe va sortir. C'était la compréhension qu'il y avait dans ce temps-là. Mais lis ça, toi, là. Va pas faire ça avec ton chat. Pas aujourd'hui, tu dirais. Hey, on fait plus ça, là. On en sait plus aujourd'hui, là. C'est un exemple un peu farfelu, mais c'est un peu ça pareil. Il faut faire attention que quand Isaïe a écrit, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait vraiment. Il a écrit ce qu'il savait. Dieu a parlé à son peuple à ce moment-là, à travers le prophète Isaïe. Et qu'est-ce que le prophète... Parce que vraiment, le gars, là, Il a vraiment écrit pour que les gens de leur temps comprennent. Fait, qu'est-ce qu'ils ont compris, eux autres? Là, je le prends, puis je fais attention, parce que je le transfère dans le Nouveau Testament. Je dois faire attention, parce que je transfère d'alliance. C'est pour ça qu'il y en a qui ont pris la dîme dans l'Ancien Testament. Ils amènent ça dans le Nouveau Testament, puis ils donnent la dîme. Dieu t'a demandé la dîme, quoi, il disait dans l'Ancien Testament. Ouais, il disait, tu es mon chien aussi. Pas mon chien, mais mon veau, puis mon agneau, je ne le fais pas. Fait, faut faire attention quand tu veux transférer les choses dans l'Ancien Testament dans le Nouveau. Faut dire, mais est-ce que maintenant, j'ai besoin de ça? Moi, j'avais dit une femme, j'ai dit à un homme, une fois, il dit, François, faut te donner la dîme, c'est marqué, si tu veux suivre l'Ancien Testament, j'ai dit, pas de problème. J'ai fait une étude sur les offrandes dans l'Ancien Testament, puis j'ai dit, c'est 28%, faut que tu te donnes, garde. Mm. C'est pas 10, c'est 28. Garde, c'est marqué là. J'ai tout sorti les versets, tous les textes. Ben, je pense que je vais changer d'idée. 28%, ça commence à être beaucoup, là. Ah, oui. 10, c'est trop ça dur, puis là, 28, c'est coupé. Mais c'était toutes des lois de l'Ancien Testament. Mais il en a pris une, puis il l'a emmené dans le Nouveau, puis il me fait ça là. Mais là, pourquoi c'était là, ça? Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune place dans le Nouveau Testament qui dit donner une offrande à l'Église. Aucune place. Vous n'en trouverez pas? Juste à quelques places que Paul a dit de mettre de côté de l'argent parce qu'il y avait une offrande à faire à Jérusalem. Mais une autre Église qui vivait de la difficulté. Tu n'as même pas pour donner à l'Église, là. Ça veut dire qu'on ne doit pas en donner. Mais il faut faire attention entre les alliances, comment est-ce qu'il se passe. OK? Il faut faire attention. Donc, il faut toujours tenir compte de ça. Si je prends ma Bible, que je rouvre dans l'Ancien Testament, je dis, oh, là, attention, je change d'alliance, là. Parce que je vais entendre des choses bizarres. Dieu va dire d'aller tuer mon veau, puis je n'ai pas de veau. Et Dieu va dire de pas, si un nid de rondelle à terre, je ne dois pas piler dessus. Puis, donc, il dit, si j'achète ma bille de foin sur le bord de la rue, je ne dois pas la ramasser. C'est assez vrai. Tu en avais qu'une bille de foin, puis elle tombait une à terre, tu la laissais là. Tu n'en ramassais pas, c'était pour le pauvre. Ah. Aujourd'hui, si ma bille de foin tombe sur le bord du chemin, m'en ramasser. Il se met le chanceux, m'envoie l'étiquette. Tu sais, c'est pas, il faut faire attention, on change de culture. On change d'alliance. Faut faire attention à ça. Parce que là, je vais lire, mais je vais lire des choses bizarres. Des choses que je suis pas capable de faire. Fait que ça me met sur mes gardes en partant. Parce que si je prends ça, puis, ah, matin, je lis une cette semaine, un soir, je vais voir des choses, je vais dire, oh, attention. Attention. Puis là, on voit Dieu, combien de pasteurs ne tiennent pas assez compte de ça. Ils vont prêcher dans l'Ancien Testament, ils prennent le peuple juif pour l'Église, et ce n'est pas le cas. Ils plantent l'Église bien là. C'est pas le cas. Le peuple de Dieu, c'est pas l'Église, ça. Une grande majorité des autres, 99% des autres, n'ont jamais été sauvés. Ils ne seront jamais sauvés. C'était pas le peuple. Oui, c'était Israël, c'est pas le peuple de Dieu, là. Et c'est pas tout Israël qui est Israël. Paul le dit dans Romains. Pas tout Israël qui est Israël, là. Pas tout. Le peuple de Dieu, là, Dieu les caboche, puis Dieu les fait envoyer en disette, en esclavage. Puis Dieu, il dit, quand il parle à un prophète, Élie, je pense, Élisée, il dit, je me suis réservé 7000 hommes, s'il y a un petit reste, là. Les autres vont tous être détruits, parce qu'ils étaient tous des idolâtres. Nous, c'est pas ça qui se passe dans l'Église, là. Il faut faire attention de ne pas prendre l'Ancien Testament, appliquer ça à l'Église. Ouh, attention, là. C'est pas de même que ça se passe, là. Fait que, vous autres aussi, quand vous lisez, vous devez tenir compte de ça. Bon, là, je fais attention de où est-ce que je lis. Parce que, je disais aux gens, des fois, les évangiles font-tu partie du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament? Tout le monde dit, Nouveau Testament! Fais-tu partie de l'Ancienne Alliance ou de la Nouvelle Alliance? Nouvelle Alliance! Non. Merci. Les quatre évangiles font partie de l'Ancienne Alliance. Jésus a vécu dans l'Ancienne Alliance. Mais le bord des gens, c'est dans le Nouveau Testament. Quand c'est marqué dans le Nouveau Testament, là? Oui, mais Jésus était avant la croix, avant l'Église, avant la venue du Saint-Esprit. Jésus s'est fait circoncire le huitième jour. On ne circoncise pas nos enfants, nous autres, là, non? On dit, ben, Jésus s'est fait circoncire, donc Jésus, c'est mon modèle, je vais me faire circoncire aussi. Non, pas ça. Pourquoi? Jésus a été élevé dans l'Ancienne Alliance. Même si son histoire est écrite dans le Nouveau Testament. La Nouvelle Alliance commence à acte 2. La venue du Saint-Esprit. Mais juste avant ça, c'était toutes des affaires de l'Ancienne Alliance. Les disciples étaient tous sauvés. Même s'ils voulaient que Jésus ne meure pas. Fait qu'il n'y aurait plus notre point de dans l'ancien. Ouais, excuse-moi, ouais. Comment tu dis? Les disciples qui ne voulaient pas que Jésus meure, étaient-ils sauvés? Puis ils ne veulent pas que Jésus meure, ça croit. Ils étaient-ils sauvés? Si c'est la mort, tu étais sauvé? C'est pas évident, là. Oui, parce qu'il était un croyant comme l'Ancien Testament. Il était selon son temps. Il ne comprenait pas tout. La révélation n'était pas donnée, mais tout ce qu'il avait entendu, tout ce qu'il comprenait, il croyait. Puis il suivait le Messie, mais il ne comprenait pas tout ce que le Messie était pour faire. Mais il croyait que c'était le Messie, puis il allait avec lui. Puis Jésus a dit quelque chose, il l'a cru, il a continué. Mais il ne comprenait pas tout. Il faut faire attention à ça. Fait que même quand vous lisez dans les évangiles, vous dites, hey, ça c'est avant la Nouvelle Alliance. C'est avant le Nouveau Testament, là, dans le sens que la Pentecôte. Pierre a vécu, il ne comprenait pas par rapport à Jésus. Il ne comprenait pas. Comment j'ai entendu? Les gens, Pierre a renié Jésus trois fois avant de... Nous tous, ça se peut qu'on le renie. Non, ça n'a rien à voir. Si tu fais ça, tu n'es pas sauvé. Pierre n'était pas dans la Nouvelle Alliance. Quand Pierre a reçu cet esprit dans l'acte 2, il est mort la tête en bas. C'est ça qu'il a fait quand il était chrétien. Comme nous, on l'entend aujourd'hui, là. Le bord de l'Alliance. Mais avant, Pierre l'a régné trois fois. Un chrétien ferait ça. Tu sais, moi, je vois un de vous autres sur la rue, puis quelqu'un, t'es-tu chrétien, toi? Non, pas chrétien. T'es-tu chrétien, toi? Non, pas chrétien. Je ne connais pas ce gars-là, moi. Je ne connais pas Jésus. Tu dirais, t'as un problème, mon chum. Tu dirais, t'as un gros problème. Mais Pierre l'a fait. Mais il faut se dire, Pierre a fait ça avant de recevoir cet esprit. Avant d'être né de nouveau. Avant de comprendre ce que Jésus t'a fait sur la croix. Avant de comprendre qu'il était pour ressusciter des morts. Quand il l'occupe, le complique de cet esprit. Il est mort, toute sa foi. Mais vous voyez la différence? Mais c'est le même Pierre. Tu vas juste tourner deux, trois pages. C'est le même Pierre. Fait que nous autres, quand on lit, faut se souvenir de ces choses-là. Sans ça, on part tout croche. On part tout croche, OK? OK, là, maintenant, je vais vous dire juste des méthodes de lire. Je vais vous encourager à des choses. Lire à partir du commencement est obligatoire. Autant que vous, si vous voulez comprendre le Nouveau Testament, vous devez comprendre l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament a été écrit en grande partie à des gens qui connaissaient l'Ancien Testament. Jésus est venu dans un peuple qui faisait partie de l'Ancienne Alliance, qui connaissait toutes les histoires de l'Ancien Testament. C'est pour ça que Jésus peut parler dans son temps. Moi, Jésus, j'écoute parler, des fois, je me dis, puis ça, je ne comprends pas. Pourquoi? Les gens à qui il parlait venaient pas de ma culture. Un matin, on a chanté, là, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Sacrificateurs. Il me semble, Geneviève, puis les petites jeunes qui sont là, tes filles à toi, là, sacrificateurs. Maman, c'est quoi cette affaire-là? T'sais, c'est quoi ça, des sacrificateurs? Ça fait quoi, Rachel, pas Geneviève? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un sacrificateur? Quand j'ai vu sauver, je faisais la même réponse, moi. Là. Je disais à ma Bible, sacrificateur, c'est quoi ça? Faut-tu que des bêtes, moi, là? Des vaches, quelque chose? Je comprends pas, je sais pas. Mais pour eux autres, dans le temps, ils comprennent. Parce que ça fait partie de leur époque, à eux autres. OK? Donc, on doit comprendre ça. Donc, autant que vous pouvez, si vous voulez comprendre bien le Nouveau Testament par vous-même, puis étudier, vous devez passer du temps dans l'Ancien Testament aussi. Vous devez lire votre Ancien Testament. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, avant d'être pasteur, avant de commencer mes études en théologie, moi et mon beau-frère, on s'est donné un défi une année de lire la Bible aussi souvent qu'on pouvait, aussi longtemps qu'on pouvait. On avait lu l'Ancien Testament 6 fois, puis le Nouveau Testament 22 fois, dans la même année. À la fin de l'année, savez-vous qu'on connaissait notre histoire? On pouvait se dire Moïse était avant lui, Jacob est après lui. David, c'est après 1000 ans avant. On commençait à regarder toute la Bible dans une grosse photo. Une grosse photo, on la voyait toute, là. On voyait tout l'ensemble de Koussek. Mais j'ai fait ça pendant un an de temps, là. On passait des heures et des heures et des heures de lecture, comme des malades, là, t'sais. On est tous les deux devenus pasteurs, pas longtemps après ça. Pourquoi? Les gens nous posaient des questions par rapport à la Bible. Pourquoi? Pas parce qu'on était intelligent, parce qu'on l'avait lu. On l'avait lu. Mais vous devez aller chercher de l'Ancien Testament autant que possible. Quand Jésus va dire, Moïse a-t-il pas dit? Vous allez savoir c'est qui Moïse? Puis quand il le dit, puis pourquoi il le dit? Parce que vous l'avez lu deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. OK? Ça va vous aider. Je vous encourage à lire les livres du même, au verset 2, là, c'est 2, je suis rendu moi. Lire en regroupant les mêmes styles littéraires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même style littéraire, ça veut dire, mettons, vous dites, je vais lire tous les livres de poésie. Les psaumes, les proverbes, c'est de la poésie, c'est de la littérature poétique. Je vais lire les évangiles pendant un temps. Je vais lire les épîtres. Les styles littéraires, c'est des épîtres, c'est un style littéraire. Les livres apocalyptiques, je vais lire Daniel, je vais lire Ézéchiel, je vais lire Apocalypse. C'est des livres, c'est tous des styles littéraires. Tu t'en rappelles? C'est lesquels? Oui, mais ça, faut-tu prendre des livres, ils vont te le dire. C'est bon. C'est assez de donner comme les mêmes styles littéraires ensemble, ça va vous aider. Ça va moins vous aider. Quand vous lisez un psaume, quand vous lisez les psaumes, c'est de la poésie. Hébraïque en plus. C'est pas, faut pas que tu prennes ça à la lettre. C'est de la poésie. Quand je dis à ma femme qu'elle est belle comme le soleil, ben c'est pas un soleil. Quand David dit « J'ai pleuré toute la nuit, je me suis arraché les poils de barbe, tellement j'étais triste. » Mais faut pas faire ça. C'est de la poésie. Tout ce qu'il est en train de nous dire, il exprime de façon poétique qu'il était triste. C'était fort. Il dit « J'ai mouillé tout mon matelas. » Il dit « Tiens, un coup, j'ai mouillé toute ma couche, pleine de larmes, il est inondé. » Voyons donc. Il serait mort au bout de il n'y avait plus d'eau, il serait mort déshydraté. Mais c'est une façon, c'est de... Puis là, je ne suis pas surpris quand je sais que c'est de la poésie. C'est de la poésie. C'est normal. Je lis de la poésie, mais je ne suis pas surpris. Quand c'était comme ça, puis il prend des grands mots, des... puis il exagère. Dans le... il montre d'une façon extrême les sentiments. Puis c'est de la poésie. Si je ne tiens pas compte de ça, là, ça va faire dur. Mais quand je lis la poésie, faut ça... quand... puis là, le soir, je lis dans les évangiles, oh, c'est pas pareil, là, là je prends ça à la lettre. Là. Quand il dit que Jésus est mort à 3 heures, mais il est mort à 3 heures. C'est pas, je m'entends, mais c'est-tu une image de quelque chose, ça, non? C'est-tu de la poésie, ça, non? La poésie, ça peut-être voulait dire autre chose. Fait qu'il faut que je tienne compte des styles littéraires autant que possible. Fait que quand vous dites, quand je lis, je fais quoi, là, avec ça? Dois-tu prendre ça à la lettre? Quand je lis l'Apocalypse, c'est un style littéraire, l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas le seul livre écrit comme ça. Autant de Jésus, de Paul, puis de ces gens. Beaucoup de gens écrivaient des livres, style apocalyptique, comme on dirait aujourd'hui de la science-fiction. Beaucoup, c'est un style littéraire. Donc, les gens qui lisaient à ce temps-là connaissaient ce style littéraire-là, puis ils l'ont pas lu comme nous on le lit aujourd'hui. Hein? Parce qu'elle n'existe plus dans notre société aujourd'hui. Je n'irais pas au magasin acheter un livre avec un style littéraire apocalyptique. Ça n'existe plus. Tu vas aller acheter un livre de science-fiction. Hein? Tu veux écrire des livres de style-là? Vas-y, spécifie. Tu vas faire ton doctorat là-dedans, puis vas-y. Hein? Mais c'est ce que je veux dire. Fait que si moi je lis l'Apocalypse, je me dis, oh, attention! C'est un style apocalyptique. Donc, il faut faire attention. Il n'y a peut-être pas de bébite qui va sortir avec 10 têtes de la mer. Il faut faire attention. C'est quoi le style apocalyptique? Il faut que je le découvrir ça avant de le lire. Parce que si je lis l'Apocalypse, puis je ne sais même pas c'est quoi le style littéraire apocalyptique, moi, il y a ça tout travail. Les gens qui l'ont reçu dans ce temps-là, eux autres, de gens, ils savaient c'était quoi. Nous, malheureusement, on ne sait pas c'est quoi. Donc, il fallait faire des petites recherches avant. C'est pour ça que la plupart des chrétiens ne lisent pas l'Apocalypse. Ils ne comprennent pas. J'ai fait une étude à Mont-Tremblant, j'ai tout passé l'Apocalypse. Avant de commencer, j'ai demandé aux chrétiens combien d'entre vous ont lu l'Apocalypse au moins une fois au complet. Ce n'était pas toute l'Église. Mais pourtant, tout le monde l'a lu, l'avait entendu parler, mais on essaie de lire ça, mais on ne comprend pas. Tu sais, il y a plein de pépites là-dedans qui sortent de la terre, tu sais, puis t'es comme... signifie-tu quelque chose d'autre? Que bébite? Ouais. Oui, c'est tout symbolique, ça. C'est beaucoup symbolique, là, le style apocalyptique. Donc, faut que tu le voir, comme Daniel, qui voulait venir une bébite avec une grosse corne. Puis là, il dit, oh, ça, c'est les empires grecs, ça. Oups, là, une bébite, là. Il y a des images dans l'Apocalypse, dans les styles apocalyptiques. Donc, ça peut être bon de faire ça. Lire par période, je t'en dis au point, trois. Lire par auteur. Donc, si vous allez comprendre mieux Jean, l'Évangile de Jean, 1, 2, 3 Jean, Apocalypse, tout le même auteur. Quand vous voulez le faire, lisez-le un à la suite de l'autre. Lisez l'Évangile de Jean, 1, 2, 3 Jean, Apocalypse, ça va avoir une même misère à comprendre. Parce que c'est toujours le même gars qui écrit. Mais si vous lisez Jean, le lendemain Matthieu, le lendemain Paul, le lendemain Marc, le lendemain... vous allez avoir tendance à penser que le gars veut dire la même chose que l'autre, mais ça ne veut pas dire la même chose que l'autre. C'est pas le même gars. Il est à côté de l'autre, ouais. Pas le même gars qui a écrit. Quand Luc dit « Royaume de Dieu », que Matthieu dit « Royaume des cieux », c'est-tu la même chose? On dit « Oh, c'est la même chose. » C'est-tu la même chose? Là-tu dis la même chose? C'est deux gars différents. Ils ont écrit à des gens différents. Là-tu dis la même chose? Il faut que je tienne compte de ça. Si vous voulez avoir moins de misère à comprendre, lisez-les ensemble, des fois. Tu sais, bon, là, je vais prendre un mois, je vais lire toutes les études de Jean. Je vais prendre Pierre, je vais toutes les affaires de Pierre. Je vais prendre l'autre, je vais lire Paul pour une secousse. Je lirai plus les autres, je vais lire juste Paul pour 6 mois. Ça va être moins dur à comprendre. Parce que quand Paul parle de la justification, il veut quasiment toujours dire la même chose. Fait que là, tu as moins de misère, tu vas aller le chercher à chaque fois. Paul, il va dire ça, mais Matthieu, veux-tu dire la même chose quand il parle de la justification, lui? C'est avant la croix. Veux-tu dire la même chose? Je sais pas. Non, mais on prend pour acquis des fois, on lit. Quand on s'arrête pas, là, on lit, puis on pense que ça veut toujours dire la même affaire. Mais non, ça ne veut pas dire la même chose. Quand vous lisez les plus vieux écrits du Nouveau Testament, c'est après la destruction du Temple. Ça, c'est différent qu'avant la destruction du Temple. Il s'est passé des affaires là, en Israël, là. Géographiquement, politiquement parlant, ça a changé l'approche. Donc, il faut que je tienne compte de ça un petit peu. Lire par période, dans le sens que le temps, c'est, mettons, je lis tous les livres de Moïse, ça parle du début. Si je vais lire, mettons, je lis Isaïe, il y a des méthodes de faire ça. Là, ça paraît compliqué, là, mais il y a des méthodes de savoir ça. Mettons, je prends un livre d'Isaïe, je pourrais me prendre un livre au côté, mettons, un dictionnaire biblique. Je rouvre Isaïe. Il va me dire, tant d'années avant Jésus, le peuple d'Israël était à telle place, il s'est passé telle affaire avant, il va se passer telle affaire après. Il y en a qui l'ont fait, ça. Toi, t'as pas le temps, t'es pas capable, tu fais ça, tu prends le livre, tu lis, ah, Isaïe, 700 ans avant Jésus. Pas longtemps après, il va tout être emmené en captivité à Babylone. Ah, ok, là, je sais ça, là. Là, c'est écrit dans ce temps-là. Daniel. Oh, Daniel est écrit à Babylone, ils sont rendus à Babylone. Lui, il écrit rendu là-bas. Il n'est plus chez les Juifs. Fait que quand il dit, oh, je rêve du temple de Dieu, il n'est pas en train de parler de ce respect en dedans de moi, là. Lui, il parle de la roche là-bas, là, qui est détruite à Jérusalem, là. Il aimerait retourner à Jérusalem. Connaissez-vous? Dans ce sens-là. Remarquez, lire par période. Donc, prenez les périodes ensemble. Dites, ben, je vais lire des livres dans à peu près le même espace de temps. Comme, mettons, puis, je vais lire Isaïe, je vais lire Jérémie. C'est la même période de temps. Ça va m'aider à comprendre. Lire rapidement, ça veut dire, prenez un livre comme, mettons, Luc. Lisez-les vite. Arrêtez pas, essayez pas de comprendre. Faites juste le lire. Boum! Dans le livre, on peut dire, moi j'ai fait ça, l'Épître aux Romains, 30 jours, 30 fois. L'Épître aux Romains, ça se lit à peu près dans une heure et demie. Une heure et demie. Je lis tous les jours, rapidement, pendant 30 jours. À la fin de mon 30 jours, je connais l'Épître presque par cœur. Et là, je peux comprendre un peu plus ce qui se passe là-dedans. Bon, tout l'ensemble. Il faut toujours garder ça en vue, tout l'ensemble. Mais ensuite, ça, des fois, j'ai marqué, lire, ok, on se revoit. J'ai remarqué ça, non, mais Romain, je l'avais lu tout au complet. C'est vrai quand tu lis tout d'un choc. Il y avait des choses que j'avais saisies pas mal plus. Parce que quand les Romains, l'Église de Rome, ont reçu l'Épître aux Romains, ils n'ont pas passé 3 ans à l'enseigner un verset à la fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le dimanche matin, si c'était le dimanche matin, ils ont pris l'Épître aux Romains et le gars en avait le lu tout au complet. C'est ça qu'il fait. Le pasteur qui était là a pris, hey, nous avons reçu une lettre de Paul aujourd'hui, c'est l'Épître aux Romains, puis il dit, puis ils ont lu ça au complet. Il m'a dit, on va prêcher sur verset 1 et 2, la semaine prochaine sur verset 3 et 4. Là, au bout de 3 ans, on est rendu au chapitre 10. C'est pas ça qu'ils ont fait, là. Et nous autres, on devrait faire ça aussi. Le lire à quelques reprises, rapidement. Et là, quand on sait l'ensemble, parce que quand je vais lire chapitre 2, je peux pouvoir dire, il n'est pas en train de dire ça, parce qu'au chapitre 14, il dit ça. C'est pas ça que ça veut dire ici, là. Parce qu'il va dire le contraire au chapitre 14. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Mais si je lis pas assez vite, je ne vois pas la différence. Mais en lisant, si j'ai tout lu le livre, je peux dire, le gars de qui il parle ici, là, ça ne peut pas être un Chevrolet, parce qu'à la fin, il dit que le gars a une Pontiac. Ben, ce morceau-là, c'est un morceau d'une Pontiac. Parce qu'il le dit à la fin. Donc, ça va m'aider à comprendre. Lire par répétition. Donc, lisez souvent, rapidement, répétition, le même livre. Si vous pouvez lire le même livre, là, ça va voir quelle différence. C'est lire avec un livre de cours, 3, 4 chapitres. Si vous dites, moi, je n'ai pas un heure à lire tous les jours, ben, je dis, on va prendre 15 minutes, prendre le même livre de 3 chapitres, puis les lire tous les jours, 3 chapitres. Tous les jours, le même. Au début, vous dites, ah, c'est plein, t'as encore le même livre. C'est plein. Hein? C'est bon. Il y a juste un chapitre, là. Un chapitre. Tu peux lire un chapitre? C'est bon. Hein? Puis tu dis, je vais lire juste ça, pendant un mois, juste ça. J'ai lu l'Apocalypse avant de l'enseigner 3 ans. Je les ai toujours lus, l'Apocalypse, pendant 3 ans. Je l'ai pas juste là. Mais dans mon travail, de 8 heures par jour, je prenais toujours une heure, puis je lisais l'Apocalypse. 3 ans après, je l'ai enseigné. Les gens pensent qu'on apprend ça vite, nous, on est correct. Ça a pris 3 heures, je sais tout ça. Non. Un gars, après 3 ans, il doit savoir ce qu'il veut dire un peu. Là, mais j'ai fait ça pendant 3 ans. pour comprendre l'ensemble du livre. Qu'est-ce que l'auteur est en train de dire? À qui a écrit? Puis là, à travers ça, je lisais un paquet de livres de d'autres gars qui avaient fait des recherches. Puis là, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire, quand c'est écrit, comment c'est... Puis j'ai lu des livres, plus épais que l'Apocalypse, pas mal, juste le style littéraire apocalyptique. C'est quoi ce style littéraire-là? Pour comprendre, quand je lis mon livre. Et là, je parle juste du point de vue humain. Je sais que le Saint-Esprit va être en arrière de tout ça. Je sais que Dieu va être en arrière de tout ça pour nous aider à comprendre ça. Voir le côté spirituel de Dieu. Mais ça n'enlève pas mon travail. Quand vous avez lu, mettons, Romain, pendant 30 jours, une fois par jour, l'autre mois, vous dites, ben là, je vais lire un chapitre par jour. Vous allez l'alentir, vous allez l'approfondir. Ah, ce mot-là, c'est là. Je ne comprends pas, mais on va faire ce temps d'une recherche. Là. Ah, il y a le mot sacrificateur, je ne sais pas c'est quoi. On a fait une recherche. Là. Et il parle de telle ville, je ne sais pas c'est quoi cette ville-là. Je m'en sortir une carte. Je vais aller voir ce qu'il y a à la ville. Tout ça, là, ça devient que quand tu lis, tu voyages. Tu le vois. Tu le vois dans ta tête. Quand moi, je te l'en dirais, quand j'ai vu le pays, là, quand j'ai commencé chez nous, après ça, j'ai commencé à lire, hop, là, je voyais les bateaux, je voyais les vers, je voyais les montagnes, je les voyais tout d'un coup dans ma tête. Les autres, là, quand ils lisaient la Bible, les premiers temps, ils voyaient ça, les autres, parce qu'ils étaient là. Ils étaient là. Donc, quand ils parlaient de la telle ville, ah ouais, je suis allé, j'ai passé la semaine passée, là, tu sais, j'ai vendu une vache, hein. Mais nous, donc, on n'a même pas conscience que Jésus pouvait aller de Cana à Jérusalem dans l'espace de deux jours. Nous, on ne sait pas, là. Faut faire ça, puis. Mais quand tu comme je dis, une fois, j'ai vu un pasteur qui prêchait, et il a descendu à Jérusalem, le gars. Non, tu ne peux pas descendre à Jérusalem. Tu ne descends jamais à Jérusalem. Tu vas juste monter. Jérusalem, c'est le point culminant. Fait que tu montes toujours à Jérusalem. Tu peux descendre de Jérusalem, mais tu vas toujours monter à Jérusalem. Tu vas descendre à Jéricho. Jéricho, c'est le point le plus bas du globe par rapport à la mer. Fait que tu descends toujours à Jéricho. Le gars qui dit, Jésus a descendu à Jérusalem, c'est parce qu'il ne connaît pas la géographie, là. Fait qu'il n'est pas situé dans sa géographie. C'est pas besoin de ça pour comprendre, pour être sauvé, là. Non, mais c'est des détails qui rendent la lecture intéressante. Mm-hmm. Quand je suis allé à Israël, je suis arrivé, l'autobus a passé, on est arrivé, nous autres, par le côté S du Jourdain. On traversait, puis s'en venait vers Jérusalem, en autobus. Puis là, l'autobus arrête sur un petit pont. Tout le monde est là. Voyons, tu es en panne, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde l'avait. Même le guide se lève, dit, bon, il dit, c'est notre première chose qu'on va vous dire, nous sommes en train de traverser le fleuve du Jourdain. C'est un cric. Oui, ça lâche comme site, c'est vrai. J'ai dit, qu'est-ce que ça prend pas un gros miracle pour passer ici? Tu me dis, tout d'un coup, là, ça va être toute une autre histoire, hein, bon. Le fleuve du Jourdain, c'est quoi l'affaire? C'est pas le fleuve, c'est un cric, c'est pas appelle pas ça un fleuve. Moi, un fleuve, c'est Saint-Laurent. C'est le fleuve Saint-Laurent. C'est ça que j'appelle un fleuve, moi. Et même, ça, t'as même pas une rivière, ça, ça, t'as dit dans la tête. Fait que là, tu reviens chez vous, puis ça, tu fais des recherches. Mais au temps de Jésus, le pays n'était pas désertique. C'était un pays où se coulait le lait et le miel. Les grappes de raisin étaient grosses de main. Aujourd'hui, si tu veux faire pousser une tomate grosse de main, faut t'amener de l'eau du fleuve. C'est désertique à grandeur. Depuis 2000 ans, le pays devient de plus en plus désert d'année en année. Donc, il n'y a plus rien qui pousse là, là. À moins que tu t'amènes de l'eau. Ça a été plus large, bon. Donc, ah oui, on voit les rives. Après ça, quand tu commences à regarder, tu vois les bords de l'héberge qui avaient peut-être jusqu'à 300-400 pieds de large, 500-600 pieds de large, là. Ah, là, tu comprends un peu mieux. Mais quand tu n'y as pas été, là, tu sais pas, là, cette affaire-là, c'est quoi, là? Nous, on lit le fleuve du Jourdain. Oh, on voit le Saint-Laurent, tu sais, là, dans notre tête. Oui, on a toutes des différences. Oui, oui. Dépendamment de ce que tu es élevé, si tu es élevé dans un pays qui avait des fleuves immenses, tu dis, oh, un fleuve, c'est gros. Comme la mer de Galilée. Le fleuve Saint-Jean est plus gros que ça. Le lac Saint-Jean est bien plus gros que ça. Ah ouais? Ben oui. Ça a 13 000 au plus long, 6 000 au plus large. C'est tout petit, c'est un petit lac. Le fleuve Saint-Jean est pas mal plus gros que ça. 25 000 de sa conférence en diamètre, tu penses, le fleuve Saint-Jean, le lac Saint-Jean. C'est les Israël sont plus longs, c'est entre Québec et Montréal. En Québec et Montréal, tu rentres. L'Abitibi, là, moi, j'avais mesuré, ça, quand j'étais ici, là. Les quatre villes, là, tu rentres Israël là-dedans. Que, quand je m'en vais à Rouen, voilà à Rouen à pied. Tu sais, dans deux, trois jours, pas aller à Rouen à pied. Mais nous, on ne sait pas là, dans notre tête comment ça marche. Fait que, mais quand quand j'ai commencé à lire ma Bible, j'avais mis des cartes partout dans mon bureau. Peut-être, j'avais mis toutes les cartes d'Israël. Il y avait des 8-10 cartes. Puis quand je lisais, je vois. Attends, attends. Ah ouais, c'est là, ça. Bon, c'est là. J'avais des photos du temple, des photos. Pour pouvoir visualiser dans ma tête ce que je lisais. Parce que les gens qui lisaient, eux autres, ils l'avaient visualisé. Fait que si moi je veux comprendre comme eux autres, il faut que je fasse ça, parce que sans ça, je manque le bateau. Et quand j'ai embarqué sur le temple, là, la base du temple est là. Le temple n'est plus là, mais la base du temple, les grosses pierres de fondement sont encore là. Ouais. Puis là, on a rentré, où ce qui est la mosquée d'Omar aujourd'hui, qui était le temple anciennement, et les Juifs de Rabin l'ont fait sauter, mais la mosquée est là, à la place du temple. Mais quand tu rentres, tu vois la grandeur, tu dis, oh, je comprends qu'il va rentrer 5 000, 10 000 personnes, ça. Mais quand tu lis, tu vois le temple, c'est quoi, une église catholique, c'est ça, tu vois, une grosse bâtisse, une grosse église, ah oui, c'est ça, d'autres à peu près comme ça. Mais c'était immense. Il pouvait rentrer 10, 15 000 personnes là-dedans, là. C'était plus gros que le stade, là, quasiment, là. Et c'était gros, c'était immense comme bâtisse. Mais quand tu l'as vu, tu dis, ah, bon, là, je comprends. Je comprends que Jésus pouvait rentrer là-dedans, puis Marie, puis Joseph le parle. Tu sais, c'était pas une église catholique, là. C'était pas une église baptiste à Val-d'Or, là. Parle pas ton gars, c'est à Val-d'Or, là, on a dit, ça. Mais au temple, tu peux facilement le prendre. C'est encore drôle. Vous avez remarqué aussi au verset 8. Puis moi, quand vous lisez chapitre par chapitre, là, quand vous dites, ben là, j'arrête, chapitre 1, moi, je vous conseille, si vous voulez le faire, prenez-vous un cartable avec des feuilles ou un livre, marquez chapitre 1. Mais je connais de Dieu, je connais de l'homme, je connais du salut. Écris des titres. Il faut juste écrire. Ça, tout composé, rien. Qu'est-ce que j'apprends de Dieu ici, là-dedans? Là? Dieu est amour, Dieu est juste, Dieu est colère, Dieu ne rejette pas... qu'est-ce que j'apprends à mon sujet? Écris-le. Tu vas te monter un petit livre là-dessus sur chaque livre. Tu vas voir que dans 10 ans, si tu relis le même livre, tu vas voir autre chose. C'est intéressant. Puis ça va t'aider à te rappeler ce que tu as lu. Ça va t'appeler à voir qu'il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu vas chercher à comprendre. OK? Verset 8, lire dans différentes traductions. Vous ne savez pas le grec, personne, n'est-ce pas? Veux-tu qui parle grec? Couramment. Même, je dirais le grec koiné, parce que le grec ordinaire aujourd'hui, c'est pas le même grec. Personne ne sait, moi non plus. Mais votre Bible en français, c'est une traduction. C'est pas la Bible, c'est la traduction de la Bible. Vous pouvez vous y fier aussi, là. Mais si vous voulez lire votre Bible dans différentes traductions, disons, je vais lire, maintenant je lis l'Épître aux Romains, je vais la lire une semaine dans Louis II. L'autre semaine, je vais lire l'Épître aux Romains, mais dans la Bible français courant. L'autre semaine, je vais lire dans la Libre Tob. L'autre semaine, je vais lire dans la Bible. Si tu peux lire, j'ai marqué dans le numéro 10, si tu peux lire avec d'autres langues, tant mieux. Tu peux aller en anglais, tu peux aller en espagnol, vas-y mon chum, vas-y, donne-toi. C'est ouais, toute une autre nuance. Change de traduction. On a tendance à lire, vu qu'on lit souvent, on a tendance à voir les mots quasiment avant qu'ils apparaissent. Puis on les voit plus. On lit, oh, j'ai-tu lu ce bout-là? Non, on n'est pas parti à quelque part dans nos pensées, tu sais. Mais quand tu lis dans une autre, une fois je lisais dans la Bible en français courant, la Bible, elle dit pas ça. Là, j'étais vraiment comme choqué quasiment. Je vais lire, je vais prendre ma Bible seconde. Oui, ça veut dire un peu la même chose, c'est un synonyme un peu, mais sur le coup, là, ça m'a comme... Voyons. Il y a des affaires qui sont plus drastiques. Ça courait, même ça pour ça. Des fois, ça peut être... Des fois, il va en donner plus, des fois, un peu moins, des fois. Mais ça va... Et tu peux pas dire, toi, cette Bible est meilleure que celle-là, tu connais pas le grec, tu sais pas savoir. Et les autres, quand ils traduisent une Bible, là, la Bible en français courant, ils se sont mis 12 linguistes pour traduire le Nouveau Testament. Penses-tu, toi, là, tu vas faire de quoi? Tu vas te prendre un peu ce qu'ils disent. Mais tu peux voir des nuances. Comment est-ce que ça... Ça se contredit jamais du noir au blanc. C'est voir des nuances. Puis toi, il y a certaines choses que tu vas comprendre mieux à cause de ton arrière-plan. Tu vas comprendre mieux dans celle-là. Tu sais, il y en a qui ont mieux lire dans cette place, mieux lire celle-là. Ça nous aide. Fait que, autant de traductions que tu peux avoir, prends-la. Lire sans lire, là, je vous encourage à lire, à écouter la Bible, au lieu de la lire. Prenez une expérience à un moment donné. Prends une Bible sur un MP3, sur un CD, t'en mets là, puis tu lis pas ta Bible, tu écoutes la Bible. C'est différent. Parce que toi, tu as tendance, puis moi, j'ai tendance à mettre de l'intonation quand je lis. Moi, j'ai déjà écouté la Bible, NIV, New International Version, en anglais, mais les autres, ils ont mis différents personnages qui parlent, puis des buts de fond. Fait que quand ils sont sur le bord de la mer, On entend les vagues, puis on entend les oiseaux, ouh, les mouettes qui jacassent pendant que Jésus parle. Puis Jésus, là, c'est toujours la même voix. Mais quand Pierre passe, c'est une autre voix. Puis les tons, là, je me souviens, j'aurais pas dit ça sévèrement de même, moi. Tu sais, ben, moi, je l'aurais pas dit sévèrement de même. Mais l'auteur, il a mis une autre connotation que selon lui, Dieu parle fort. Ah, ça change l'approche, ça change l'idée. Ça nous amène à avoir, ah, ben, on va aller faire une petite recherche là-dessus. Parce que des fois, tu dis, as-tu raison ou j'ai pas raison? Il l'a-tu dit avec un peu de sarcastique? Là, s'il l'a dit, Dieu aime le monde. Dieu aime le monde. C'est-tu Dieu aime le monde? Alors, c'est Dieu aime le monde. C'est pas pareil, là. Donc, faites-le. Si vous comprenez l'anglais, la NIV, avec toutes les paroles, là, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça. J'avais bien aimé ça quand j'avais fait ça. Et l'autre, c'est lire dans différentes langues. Là, Marc, si vous avez des. Si vous pouvez lire en anglais, allez-y. Allez-y. Faites-le. Donc, ça, c'est des méthodes, juste des petites méthodes qui vont vous rendre la Bible, juste par le fait de lire, il va rendre la Bible plus intéressante. Tout simplement. Parce que le but, c'est qu'on veut lire, parce qu'on croit qu'en la lisant, on apprend à connaître Dieu. Donc, on veut lire, mais des fois, on trouve ça très aride, très sec, puis ennuyant un petit peu. Puis, mais c'est pour ça que les chrétiens, en général, arrêtent de lire. C'est pas facile, c'est ardu, là, parce que moi, j'ai pu m'en dire, tu deviens pas un athlète professionnel en faisant du vélo 5 minutes par jour. Puis en font 5 heures par jour. Je regarde le tennis présentement, Will Bendon, là. Les gars qui sont là, on dit, ah, ils sont bons. Tu sais, le gars, il frappe la balle, il est arrivé, mettons, 50 pieds, il frappe la balle à 140 000 à l'heure, tu as 0.5 d'une seconde pour réagir, puis le gars, il frappe la balle, puis il la retourne. Puis il la retourne pas n'importe où, il la retourne dans la bonne place. Ouais, moi, juste la toucher, ça ne sera pas pire. J'ai dû rassurer. Des gars, moi, qui l'envoyaient à 100 km/h, puis je l'ai pogné jamais, tu sais, il a passé trop vite. Mais les autres, il a 150, puis il la retourne dans la bonne place, où est-ce qu'il va. Ben, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans qu'ils font ça, 5 heures, 6 heures, 7 heures par jour. Si tu le ferais aussi, peut-être tu ne seras peut-être pas aussi bon, mais tu seras meilleur que tu es là. Donc, tu seras meilleur que tu es là. Donc, moi, je me dis, le but de ça, voyons, c'est toi qui dois décider jusqu'où tu veux aller là-dedans. C'est toi, jusqu'où tu veux investir là-dedans. Mais moi, je te dis que si tu lis ta Bible 5-10 minutes par jour, puis tu fais juste ça toute ta vie, tu ne comprendras jamais la Bible par toi-même. Il va toujours falloir que quelqu'un te donne du poisson. C'est pas mal. Mais ça donne rien de te casser le pompe et essayer de le faire, c'est pas ça que tu veux faire. Mais si tu dis, je veux investir, je veux apprendre à pêcher par moi-même, mais là, je vais investir du temps. Comme dans n'importe quelle autre chose, domaine de la vie, si on veut devenir quelque chose de plus loin que les autres, ben, on faut travailler un peu plus fort. Fait que si tu dis, je veux investir une heure par jour pour lire, ben, je vais investir du temps. Parce que, des fois, je dis aux gens, j'ai fait un petit cours en horticulture à Mont-Tremblant, puis là, je dis aux gens, j'en connais assez sur les fleurs pour être dans la rue. Parce que là, j'en sais, mais j'en sais pas assez vraiment. Mais là, si quelqu'un me manque de conseil, puis j'ose lui dire que je pense bien me planter, là. Un jour, la femme arrive, elle dit, c'est quoi ce François? La madame, voisine, tu vois, dessus, ils savent que je suis venu un coup. C'est quoi ces affaires-là, François? C'est quoi ces fleurs-là? Je sais pas, là, mais j'ai l'impression que c'est des mauvaises armes. J'ai dit, je sais pas, là, peut-être que je me trompe, là. J'ai l'impression que c'est des mauvaises herbes qu'on va laisser pousser. Tu sais, ben, elle ne savait pas trop si c'était des fleurs ou pas, parce qu'elle les a laissées pousser, puis t'as rendu autre même. J'ai l'impression que juste c'est des mauvaises herbes. Mais j'en sais pas assez pour dire, ça, madame, c'est. Puis le nommer par son mot latin, puis dire c'est ça, puis ça pousse comme ça. Je sais pas assez pour ça. Mais dans la Bible, des fois, si je lis juste des 5-10 minutes par jour, je deviens quasiment dangereux. Je pense que je connais ma Bible, puis je deviens dangereux. Parce que j'en sais pas assez, vraiment. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, ils vont voir venir un témoin de Jéhovah, chez eux, puis ils ferment la porte et l'ouvrent pas, en général, parce qu'ils sont pas capables de discuter avec des gens qui passent des heures par jour avec la Bible. Ils sont capables de dire, moi, je suis sauvé, je suis croyant, je m'en vais au ciel, mais ils sont pas capables d'argumenter avec eux autres, Bible contre Bible. Souvent, ils ne reviendront pas. S'ils croient que tu n'es pas ouvert, selon leurs critères, eux autres, ils ne reviennent pas. Là. Mais on devrait être capable de dire, je suis capable de m'asseoir avec un témoin de Jéhovah, puis ils vont me dire, regarde, la Bible a dit ça, vous dites, non, la Bible a dit pas ça, voici pourquoi. Je serais pas dû monter la Bible dans le passage. Puis je suis pas un meilleur chrétien, un moins bon chrétien, là. C'est pas ça, ça n'a pas rapport. C'est juste que j'aime faire ça, je le fais. Moi, je l'ai fait, ça, parce que j'aimais faire ça. Jamais personne ne m'a poussé dans le dos pour le faire. J'aimais faire ça. J'aime lire. Quand je lis pas la Bible, je lis autre chose. J'aime lire. J'aime lire. J'étais un liseux. Donc, j'aime lire et j'aime écouter la Bible. Puis aujourd'hui, si vous lisez pas, si vous faites pas ça, là, moi, je vous conseillerais, prends l'Internet, va chercher un gars qui prêche que t'aimes, puis écoute tous ses sermons. 2-3 fois par semaine, 4-5 fois par semaine. Tu vas devenir plus instruit dans les voies du Seigneur que de passer 5 minutes à devenir par client. Fais ça en place. Ou moi, je suis pas capable d'étudier, je veux pas investir, c'est-à-dire, je suis pas capable, j'y arrive pas. Je vais prendre un sermon de quelqu'un que je connais, que j'aime, qui je me semble, puis je vais m'asseoir 1 demi-heure le matin, puis j'écoute un sermon. 1 demi-heure, le soir, j'écoute l'autre partie, 1 autre demi-heure, puis c'est ça, après ça, je prie. Puis si tu vas voir, tu vas grandir plus que de lire la Bible et pas comprendre. Puis tu vas aimer plus Dieu, tu vas plus enthousiaste par rapport à Dieu que de passer 15 minutes pour sans comprendre ce que tu lis. Moi, présentement, ça fait, j'ai arrêté de travailler en septembre. J'ai pas lu ma Bible pas une fois depuis ce temps-là. Je lis pas. Pour lire, comme le fun que je faisais avant, là, je lis pas. Mais 2 fois, 3 fois par jour, j'écoute 2, 3, 4 sermons par jour. De M. Carson. J'écoute un sermon, je m'arrête 5, 10, 15 minutes pour prier. Je vais écouter un autre sermon le soir, ou des fois dans mon hamac, moi, ben, tu sais, dans mon hamac, en dessous des arbres. J'ai mon petit iPod dans les oreilles, j'écoute un sermon. Des fois, je pleure tout ça, des fois, je ris, des fois, je rends grâce à Dieu, des fois, je loue ça. Mais c'est ma façon à moi maintenant. Faut pas ça dans 100 ans. Mais présentement, pour moi, c'est comme ça. J'apprends comme ça. Puis, je me sens pas coupable, pas en tout, de pas ouvrir ma Bible, là, parce que j'apprends à connaître Dieu pareil. C'est pas là, je l'entends. Puis, quelqu'un me l'explique, puis j'avance. Lui, il me dit des affaires que il me semble que j'ai jamais vu. Ça fait 30 ans que je lis. Puis, j'étudie. Puis, lui, il me dit, parce que lui, ça fait 40 ans. Puis, il a une capacité phénoménale. Et le gars, 40 livres décrits sur la Bible, puis c'est vrai, il parle 12 langues, puis c'est un phénomène. Puis quand il parle, t'écoutes. Moi, je suis un liseux, mais lui, c'est un liseux. Lui, il lit un livre de 500 pages. J'ai l'impression qu'il lit ça 10 fois plus vite que moi. Mais il parle sur n'importe quel sujet, puis il sait tout le temps. Il va nommer des gens, là. Je l'ai eu comme professeur à Montréal, une couple de fois. On voyait bien qu'il nous disait, lui, des affaires, puis il voulait qu'on apprenne la Bible par cœur, lui. Moi, par mot, par cœur. Lui, il la savait quasiment. Tu sais, c'est pas mêlant. Il met toute la Bible par cœur. Il a une capacité de se rappeler tout ce qu'il voit. Il lit un livre une fois, puis il s'en rappelle tout. Ben, ça pense que c'est une grâce. Ouais, c'est une capacité que Dieu lui a donnée en venant au monde, parce que je crois que Dieu voulait l'utiliser pour l'Église dans le monde. Lui, il est lu partout dans le monde, ce gars-là. Là. Pas parce qu'il est un meilleur chrétien que les autres. On l'écoute parler pour ses bêtes, il n'est pas un meilleur chrétien. Mais Dieu, il a donné des talents, des capacités humaines pour faire de quoi? Donc, puis gloire à Dieu. Il ne faut pas chercher, nous, à être comme... Faut pas devenir François, faut pas devenir Don Carson, faut être qui on est. Bon, moi, je m'écoute, je me sais qui je suis, je peux pas faire ça, mais je veux connaître Dieu, donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je peux pas faire ça, je peux faire quoi? Parce que dans notre cours qu'on va faire en septembre, ceux qui vont vouloir, on va faire l'herméneutique là, plus précisément. Là, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de lire? Après qu'on ait lu mon note romain 10 fois, ou 20 fois, ou 30 fois, je fais quoi? Comment je peux aller plus loin, là? Là, on parle des concordances, on parle des dictionnaires, on parle des commentaires, on parle de l'hébreu, on parle du grec, on parle des petites affaires de même. Là, c'est encore moins de personnes qui vont faire ça. Parce que ça prend encore d'autres temps. Mais, tu sais, on travaille fort. On travaille fort. Il y a un homme, il me dit, « Ah, moi, les pasteurs, il dit, je ne fais pas toujours confiance. » Tu as bien raison. Mais il dit, quand il parle de la Bible, je fais toujours plus confiance que toi. Parce que quand ça fait 10 heures qu'il passe dans le texte, il doit en savoir plus que toi dans 10 minutes. À moins qu'ils sont fous, l'aide, là. Si tu n'es pas capable d'aller dehors, ben, je vais un autre. Mais un gars qui s'est assis à sa Bible pendant 20 heures, 30 heures par semaine, devrait normalement en savoir plus que toi si tu passes 10 minutes par jour. Il va se tromper, il n'est pas parfait. Mais il a moins de chances de se tromper que toi. C'est certain. Dans ma tête, en tout cas, la logique est là. Puis Dieu a donné à certains hommes, femmes, des capacités d'enseigner, d'étudier plus que d'autres. C'est pour ça qu'il y en a dans le corps de Christ qui ont le don d'enseigner. Moi, je dis aux gens, si tu veux enseigner, que je travaille avec d'autres, si tu n'es pas un étudiant, tu n'es pas un enseigné. Point de lettre. Si tu n'aimes pas étudier, tu ne peux pas enseigner. Parce que tu vas toujours répéter la même petite phrase. Ça va devenir redondant tout de suite. Mais si tu aimes étudier, mais tu vas partager ce que tu as compris avec les autres. Si tu n'aimes pas étudier, on regarde, moi j'ai des profs à l'université, ils donnaient le même cours depuis 30 ans, puis ils t'appelaient. J'ai eu des profs, un monsieur Eking, c'est professeur en histoire d'église, il aimait son affaire. Puis il nous parlait de l'histoire, là, puis on voulait tous devenir historien quand il a fini. Il aimait ça, puis il nous parlait, là, puis il nous montrait que la Bible dans son histoire. Mais on voyait le gars étudiait tout le temps, avançait tout le temps. Donc lui, il était toujours motivé. Automatiquement, il devenait motivant pour les autres. Automatiquement. Donc moi, je vous dirais, donnez-moi une petite méthode, puis partez pas en peur. Prenez-moi un petit livre, je vais l'essayer. Faites-le cet été, si vous voulez que je regarde votre travail à la fin de l'été, c'est pas obligatoire partout, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais dites, écoute, je vais prendre, mettons, Philémon, je vais prendre un Jean, je vais prendre un petit livre de 3-4 chapitres, je vais le lire tout le mois de juillet. C'est tout le mois de juillet. Puis au mois de août, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais faire, moi, qu'est-ce que je vais sortir que j'ai appris que je n'avais pas appris avant. En lisant, à cause que je l'ai lu 30 fois de suite. Ou dans 10 versions différentes. Y a-t-il des places, dans le fond, d'après toi, qui disent moins d'affaires? Ou disent presque pas rien? Non, c'est toujours le parole des yeux partout. Mais c'est dur de dire. C'est jamais dur quand on aime quelque chose. Vous savez ça comme moi, hein? Quand on aime faire des meubles, c'est pas dur. On va se reposer à faire des petits meubles. Tu sais qui aime ça? Lui, il conduit, il va en vacances, puis il conduit son char. Moi, je suis fatigué là, ben là. On s'en va en vacances cette semaine, hein? Je conduis même pas. Moi, il conduit, ça m'énerve. Fait que je fais conduire ma femme, je fais conduire les autres. Les autres aiment ça. Mais tu veux-tu quand. Mais moi, si je dis François, on va aller faire on va aller jusqu'à Vancouver, en auto, je dis, oh, fatigué, non, tu sais, je fais pas. L'autre dit, ah oui, hey, ça va être le fun. Il y a un couple que je connais. Il y a un couple qui, les autres, lui et sa femme, ils ont pris des cours pour conduire un gros camion. Là. Okay. Tous les deux. Parce que là, ils pensent de peut-être lâcher sa job, lui, puis elle, puis lui, ils vont partir ensemble. Les enfants sont rendus, ils vont partir, ils vont faire des grandes rails pour cascade. J'ai dit, il faut une envie. Moi, vous me payez les chers, puis j'y allais pas. Mais les autres, ils aiment ça, les deux. Ils aiment ça, c'est. Moi, je dis rien là. C'est, mais c'est pour eux autres, ça va être toujours agréable. Mais pour moi, ça sera fatigué. Et la Bible, c'est pareil. Si tu dis, tu essaies de faire ça, de mettre ça en pratique, puis tu dis, ça m'écœure, tu sais, ah non, pas encore lire ça une fois, tu sais, pas encore lire tout ça encore aujourd'hui. Là, laisse tomber, tu n'as rien. Laisse tomber. Change de méthode. L'apprentissage, on n'apprend pas tout pareil. Il y a des hommes que je travaillais avec eux autres, puis je leur disais, comment est-ce que tu apprends, toi? Comment est-ce que tu apprends? T'apprends-tu en lisant? T'apprends-tu en écoutant? T'apprends-tu... Moi, j'ai mon Benjamin. Benjamin, il apprenait, lui, en écoutant, par regardant. Il ne posait pas de questions. Il ne parlait pas à nous autres. Même année, il apprend la guitare, puis du coup, il jouait de la musique chrétienne. Qui t'a montré ça? Et à chaque fois que je m'assisais avec mes guitares, il me regardait, puis il regardait mes doigts. Il essayait dans sa chambre, il met les doigts à la même place, puis il commençait à jouer la guitare. C'est comme ça qu'il apprend, en écoutant, par regardant les autres. Mais c'est ça, sa méthode à lui, ça. D'autres, ils veulent parler. Ils veulent parler, les autres. Ils apprennent en posant des questions. J'ai déjà fait ça. À tous les vendredis soir, je vais rencontrer un chrétien. Puis lui, il m'arrivait toujours avec 15-20 questions. J'ai des questions. Bonsoir. OK. Puis là, je répondais à ces questions. 3, 4, 5 questions, tant qu'on avait du temps. C'est comme ça qu'il apprenait, lui. Il apprenait en posant des questions. Cette semaine, il m'est arrivé ça. Je sais pas quoi faire avec ça. Fait que là, je disais, ah, ouais. Là, il l'enregistrait, il partait avec ça. Il s'en souvenait. Cette semaine, quelqu'un m'a posé la question par rapport à ça. C'est qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Oui. Oh, OK, j'ai appris. Partez avec ça. C'est sa méthode d'apprendre. Parce que ça, il y a des enfants, vous savez, des enfants. Pourquoi, maman? Pourquoi, papa? Pourquoi? Ma mère, elle me disait, t'es-tu fatigué? Tu sais pourquoi? Va voir ton père, poser des questions à d'autres. Pourquoi? Elle dit, t'es fatigué. Mais moi, je disais tout. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi tu veux qu'on fasse ça? Pourquoi pas une athlète? Là, t'es là, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Parce que je te l'ai dit. Tu sais, on des fois, en tant que parent, on fait ça pendant, on est tanné, là, parce que là, je te l'ai dit. Mais, il y a des gens qui apprennent comme ça. D'autres gens, c'est d'autres. D'autres vont lire, sont autodidactes. Ils s'instruisent sur ça. Autodidactes. D'autres, pas en tout. J'ai fait l'école à la maison, mes enfants, c'est un petit peu autodidactes. Benjamin a beaucoup souffert de ça. Pas souffert dans le sens physique, là, mais ça ne l'a pas aidé à aller plus loin. De façon scolaire, parce que lui, il avait beaucoup de misère. Puis quand il est arrivé à l'école publique, en 10e année, 11e année, mon ami a des meilleures notes. Parce qu'il dit, j'ai un professeur qui me parle. Tu lui écoutait Écoutez quelqu'un parler, il regardait faire, il apprenait. Mais lire lui-même un livre, il lit pas encore, hein? Il lit pas encore plus aujourd'hui. Parce qu'il apprend pas comme ça. Mais il y en a d'autres, mes enfants, il y avait toujours un livre sur les ventes, puis tantôt un livre à quelque part. Il apprenait beaucoup en lisant. Donc, faut toi, tu trouves ta méthode d'apprentissage. Comment j'apprends, moi? En écoutant, en regardant, en posant des questions, en lisant un livre, en regardant un film. On peut apprendre en regardant un film de belles affaires. On peut apprendre à voyager à Internet, à Stampoli, à faire le tour du monde, si on veut. Il y en a qui sont en merde, ils ne veulent pas faire ça. C'est à toi de découvrir comment est-ce que tu apprends. Le but, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Puis apprendre à connaître qui on est. Apprendre à connaître l'Évangile. La méthode n'a aucun mérite en soi. Donc, trouve-toi la méthode pour apprendre à connaître Dieu, Jésus, le salut qu'il a acquis pour sa propre gloire, dans ce sens-là. Il n'y a pas de méthode parfaite. Pas de méthode parfaite. Il y a des questions que tu poses sur c'est quoi les effets que ça va avoir. Comme? Sur quoi, là? Dans le son, toi? Quels sont les effets de lire la Bible dans 1 Timothée 4? Moi, c'est tout le temps la même question avec les. C'est tout le temps la même question, mais selon différents versets. OK, puis c'est quoi ce que vous avez. C'est le fun. Oui. OK. Qu'est-ce que ça te dirait de descendre une demi-heure chez nous, à petit jour, faire mon cul? Ça irait. OK, Frank, explique-moi ce verset-là. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé dernièrement. Là. Non, mais. Il est plus proche quand même. OK. Oui, c'était quoi, non? Ça se parlait juste, ouais, Daniel, les dernières... C'est une seule main, non? Parce que des questions, tu vois, c'est intéressant, parce que... Juste qu'on va découvrir... Mais juste trouver la façon, c'est déjà quelque chose. Oui, mais si vous lisez mieux, ça va aller mieux. Vous allez voir, ça va aller mieux dans votre lecture, ça va être plus intéressant. Puis dans l'autre petit cours, là, s'il y a quelques petites idées, prenez-vous des livres qui vont vous aider. Si vous n'êtes pas capable de faire la recherche, prenez-vous des livres qui ont déjà fait de la recherche. Mmh. Mais c'est des droits, ces livres-là? Comme un dictionnaire biblique. OK. Tu prends ça. Ceux qui ont des bibles à cette heure, sur ordinateur, ils font à 90% ça. Pour vous autres. Et c'est gratuit, c'est donné. Mmh. Et ceux qui sont capables d'utiliser les ordinateurs, là. Ben, c'est trouver où est la ressource. Ouais. De la trouver. C'est comme trouver la dixième sur le bâton. Faut que tu gagnes une secousse. À un moment donné, tu sais ce qu'elle est, les yeux fermés. Tu dors à roue. Ça se fait tout seul. C'est juste qu'il faut le faire souvent longtemps pour arriver à le trouver. Oui. Juste trouver notre façon de faire, comme tu disais, que ce soit lire ou écouter. Ouais. Juste ça, me semble, c'est déjà.